Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Il y a un regard de JB atroce. Déteste. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast. Et comme à l'accoutumée, nous sommes extrêmement bien accompagnés. Tout d'abord, il est sur YouTube où il effectue plusieurs clics droits. En podcast, où il se plonge dans le film préféré de son invité. En librairie, il raconte 100 histoires personnelles liées à 100 films qui lui sont chers. On pourrait le qualifier de youtubeur cinéma s'il collectionnait des figurines pop. Mais il n'a pas de t-shirt Rick and Morty. C'est Jean-Baptiste Toussaint. C'est exactement moi, merci. C'est plaisir d'être là. Il va bientôt présenter une émission d'actu musicale sur Twitch avec le label Pias en partenariat avec la team Vitality. La première, c'est quand d'ailleurs? C'est le 20 avril, figure-toi. Sublime. Il est aussi sur YouTube avec JB dans Video Store. Il est également dans le podcast We Love TFTC. Ouais. Il a également un livre qui s'appelle Les 100 meilleures chansons d'accordéon pour une surprise partie. Et qu'à cela ne tienne, pourquoi pas un goûter? C'est Guigui. Oh, ouais. Oh, merci. J'ai envie d'écrire ce livre en fait. Tu es obligé maintenant. Ah bah, je suis obligé. Tu es obligé, on lance un Kickstarter. Il avait un sourire moqueur, quelque chose de secret. Il gravait nos deux cœurs, non pas sur des arbres de forêt, car il respecte la flore et est parfaitement déconstruit. C'est Adrien Méniel. Bravo. Merci. On commence avec les news du Floodcast. Depuis 2 semaines, un homme vit un véritable calvaire sur les réseaux sociaux. C'est un homme qui travaille dans une entreprise de... Pardon, j'ai commencé tout de suite. Ah, wow. Le bip est arrivé. On est à 1 minute 57. C'est incroyable. Je crois que c'est un record. Hein. Pardon, Il est tactique. C'est de votre faute. Il est... Si je peux y me permettre. Non, lui, en l'occurrence, la personne qu'on cherche travaille pour une entreprise de jeux vidéo et anime un podcast. Et voilà, il se fait insulter depuis maintenant 2 semaines sur les réseaux sociaux. À votre avis, pourquoi? Alors, c'est un truc badant ou c'est... Pas du tout badant. Non. Non, enfin badant. C'est amusant, c'est pas... C'est rapport à une critique de jeu vidéo qu'il a fait? Pas du tout. C'est un mec connu ou pas? Alors, ce n'est pas un mec connu. Il est français? Il est pas du tout français. Ah, et il est qu'un Reed Estates? Il est qu'un Reed Estates. Ok, je connais cette culture. Bah, elle est tienne en fait. Ouh, je suis bilingue, je suis biculturel. Plutôt West Coast ou East Coast? Non, mais une question que je te pose comme ça. Les deux, ah oui, c'est le grand écart. Hein. L'intégralité. Mes couilles sont sur les Appalaches. Ça peut être bien mieux. Un titre d'épisode potentiellement. Mes couilles sont sur les Appalaches. On sent que tu écris pour rap jeu hein, depuis quelques bah temps. Oui. Hein, quand même, là, on voit, pour moi, c'est une punch hein, ce que tu viens de dire. Ouais, ouais. Appalaches, le personnage de Validé. Non, oh, mais après, ouais. Oh, non, mais ta culture rap a-t-elle seulement une limite? Oui. Ah oui? Énorme. Ah ok. Énorme limite. Non, là, la personne qu'on cherche. Alors. JB a posé une bonne question. Est-elle connue? Je te réponds non, mais c'est lié à la célébrité. Ah non, mais voilà! Il s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. Alors il s'est pas fait passer pour quelqu'un d'autre. Il est en couple avec. On l'a pris pour quelqu'un d'autre. C'est le sosie de quelqu'un. C'est pas un sosie. Sosie vocal. Pas un sosie vocal. Ah, il a volé les identifiants de quelqu'un? Non, non, non. Lui est vraiment là, une pauvre victime dans cette histoire. Il a rien fait. Ah ouais, ouh! Ouais, ah, on l'a confondu. Il a le même nom que quelqu'un. Alors, tu t'es très proche. Ah! Pensez actu. Et il vit mal, c'est harcèlement ou... Il s'appelle... Il l'a pris avec rigolade, mais ça le fait un peu chier. Il s'appelle Will Smith. Ah, son Twitter est Will Smith. Allez. Et il est vérifié, en plus, parce que c'est vraiment un mec... voilà. Et il a joué dans Men in Black, et c'est Will Smith. C'est Will Smith, tout simplement. Et non, mais par contre, il a juste tweeté « Help ». le soir du truc, un tweet à 80 000 retweets. Aidez-moi. Et non, mais voilà. Et donc, en gros, il a expliqué que c'était un peu relou. Donc, il est assez marrant. Il a juste posté des petits messages genre, oh putain, oh non, oh merde. Donc, c'est assez rigolo. Bah, en même temps, oui, c'est genre, tu te fais. Enfin, c'est pas lui qui se fait harceler vraiment, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il a donné quand même son avis. Donc, il dit, alors en fait, je suis pas la personne contre laquelle vous êtes fâché ou de laquelle vous êtes fier. Moi, je fais juste des podcasts et des jeux vidéo pour gagner ma vie. Et au risque de faire chier les gens à la place de l'autre gars, le monde serait un meilleur endroit si on arrêtait de répondre aux mots avec de la violence. Voilà, il a quand même donné son avis sur le truc. Ouais, mais. Deuxième vague d'insultes, du coup. Genre, mais pour qui tu te prends, connard? T'as même pas fait Wild Wild West. Et non, mais voilà. Donc, mais c'est fou que. Enfin, en même temps, t'es Will Smith vérifié. Ouais. Mais c'est une pub de ouf du coup pour lui là. Bah ouais, mais une pub de merde un peu parce que enfin. Oh, mais il a dû gagner du follow quand même. Des beaux follow. Mais là je vois que je suis avec des gens qui maîtrisent un peu les réseaux sociaux. Ouais, parce que là vous voyez tout de suite là pas du gain. Très connecté. Bah attends, puis Guigui et l'ascension folle sur les réseaux sociaux quand même. Oui. Ah bah. Ah, non, mais attends. C'est vrai. Bah, le personnage de Pépère, pardon. Oui, c'est une icône. Ça, pour moi. Bon, allez, c'est une icône. On en est là. Je bosse sur un petit. Il y a eu un peu une flambée de fleurs quand même flambée, à ce moment-là. Il y a eu une petite flambée. Oh, flambée. Mais c'était pendant le confinement, c'était il y a longtemps déjà. Oui, c'est mais derrière quand toi. Quand c'est même. Moi, non, c'est pour montrer que tu maîtrises les rouages. mais je suis un peu déçu parce que Chris Rock, le arrobas Chris Rock, c'est le vrai Chris Rock. Donc il n'y a pas le synonyme de Chris Rock qu'aurait pu répondre. À Soissons, dans l'Aisne. Oui. Une arnaque d'un. Je t'ai dit oui, genre, c'est ta ville en fait. Je vois très bien ce que c'est. Une arnaque d'un nouveau genre a eu lieu, à votre avis, laquelle ? Voilà, alors déjà, c'est où en France, Soissons, dans l'Aisne ? Oh, dans l'Aisne. C'est vers le nord. Ouais. Ouais, c'est vers le nord ça ? Vers nord de Paris, pardon. Non, oui, non, mais en vrai, c'est. Parisiano-centré. Un peu nord-ouest, ouais. Il y en a qui concernent les vieux. Alors c'est des vieux qui se font vraiment baiser. Au téléphone ? Pas au téléphone, dans la vraie vie, in real life, IRL hein, d'ailleurs. C'est un terme de gaming que je vous offre. Est-ce qu'ils vont frapper chez, genre sonner chez les gens directement ? Non. Est-ce que c'est un lien avec la présidentielle actuelle ? Pas du tout. Très bien. Attends, est-ce que c'est des gens qui abordent les vieux d'une manière oui. ou d'une autre oui, dans oui. la rue ? Dans la rue. Dans la rue. Ah, genre ils se font passer pour Médecins sans frontières, une connerie comme ça ? Alors ils se font passer pour quelque chose, mais pas gendarmes. Pas des gendarmes. T'es un bon détective, Adrien. Ah, mais moi, il avait gagné tous les Mickey Enigmes. Bah oui. Ouais, à la fin du journal de Mickey, il trouvait tout de suite. Il fait, j'aurais aimé être la troisième, détective. La troisième porte est ouverte, donc c'est le monsieur avec le chapeau, le coupable. Mmh. C'est le genre de choses qu'il trouve hein, de lui-même. Hein. Non, là, je vous jure. Hein. En fait, il faut être deux. Voilà, petit indice que je vous donne. Ils sont deux pour faire ça. Et donc, c'est que des vieux qui se font arnaquer alors. Bah, pas que, mais tu sens qu'ils. Voilà, est-ce que c'est une personne fait semblant d'être en détresse et l'autre. Pas vraiment, mais t'es pas loin. En fait, il y a une personne qui profite de l'inattention du vieux pour piquer. Pour lui des faire trucs. Les poches. Voilà, mais. Ah, donc c'est vraiment. Ah, c'est ça, alors. En fait, ils volent des vieux. Comme la technique de la pétition, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais d'un nouveau genre. Mais est-ce qu'ils volent vraiment, genre, ils volent des trucs dans les poches des vieux directement ? Pickpocket ou alors c'est un truc un peu plus élaboré ? Écoute, tu me fous le doute, mais je crois que c'est pickpocket. Oui, ah c'est, oui ça. C'est ça, c'est du pickpocket. Ah, vraiment c'est une ça. Arnaque. Enfin, oui, si, mais. Ouais. Si. Ok, d'accord. Okay. C'est un. Oui. Ok. Mm. Et donc, il y a une personne en gros qui occupe l'attention des personnes pendant que quelqu'un lui fait les poches. Voilà, c'est ça. Et comment il occupe l'attention ? En se faisant passer pour une œuvre caritative ? Non, pas du tout. D'accord. Non. Est-ce que les auteurs sont Ibra TV et son acolyte ? Non, pas du tout. Pas du tout. Greg Guillotin ? Non, ce n'est pas. Il ne s'agit pas d'un prank, hein. C'est vraiment une arnaque. Et donc, le but là, c'est de trouver pour qui ils se font passer. Cette arnaque, en fait, a carrément un nom maintenant. C'est l'arnaque à la quelque chose. Mmh. Oh, l'arnaque à l'âge criminel. Ils se font passer pour calage criminel. Ils mettent une cagoule. En disant, écoutez, oui. Bon, sauvagerie. Voilà. L'arnaque à la. Et les vieux, ils font, écoutez, on a totalement la ref. on adore. C'est un truc qui n'est pas du tout relié à l'actu. Pas du tout. Ah non, non, non, vraiment, là, l'idée, c'est de. Et est-ce qu'ils ont choisi un truc qui est susceptible de plaire aux vieux ? Non, non, non, écoute, franchement, c'est assez. Genre Valérie Pécresse, par exemple. Non, non, non, c'est qui est peut-être notre présidente au moment où. Au moment où on parle, c'est vrai qu'on enregistre. Parce que là, on enregistre l'émission avant le premier tour. On est tellement dans une zone bizarre. Parce qu'en fait, on enregistre la veille du premier scrutin, du vote. Premier tour. Du et quand ça va tour. Sortir, bah, on saura qui est au deuxième tour. On saura qui est au deuxième tour. Quelle horreur. Venez, on mise. Non. C'est dur. Genre, écoutez, je vais vous donner un indice. Ils ont, pour arrêter les arnaqueurs, ils ont retrouvé une seringue. Une seringue avec quelque chose à l'intérieur. Ah, de sang, non ? Ah, non, vaccin ? Non, pas vaccin. Ils sont passés pour des. Ouais, voilà. Non. L'arnaque à l'héroïne. Qui marche très bien sur les vieux. Hein. Sur les vieux, bah, ouais, les vieux sont férus. Ils sont férus d'héroïne. Attends, tu nous dis qu'une seringue a été retrouvée ? Une seringue, mais pas une seringue genre pour faire un truc de. C'est la seringue à un produit. Et c'est avec ce produit qui faisait la. Écoutez, je vais vous dire la réponse. Oh ouais, ouais, je sens que ça te rend dingue. Ça te rend dingue. Non, mais attends. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans cette seringue que... Vous avez droit à une réponse. Non, non, chacun. Non, attends. Okay. Est-ce qu'il menaçait les vieux pas avec du la tout, seringue. Pas du tout, c'était très cordial. C'est-à-dire qu'il leur parlait de ce qu'il y avait prétendument dans la seringue. Pas du tout. La seringue sert à mettre en place l'arnaque, justement. Waouh. Ah. Et ils injectaient les vieux avec. Non. Non, mais... non. Ils font genre, ils trouvent la seringue par terre. Eh ben non. Non, non, non. Bon, allez, dis-nous. Je vais vous le dire. Écoutez, le procédé est simple. Un individu prend une seringue et asperge discrètement un liquide malodorant et marron sur une victime souvent âgée, oh, il lui faut suivi que quelques minutes plus tard par un complice qui, sous prétexte d'aider à se nettoyer la personne visée, lui dérobe discrètement son portefeuille, son portable, voire ses bijoux. Ça s'appelle l'arnaque à la fiente d'oiseau. C'est nul. C'est-à-dire qu'ils foutent. Ben non, c'est brillant parce que tu prends la merde d'oiseau que putain, tu mets sur l'épaule, entendu parler. Ou sur le dos, et tu fais ah monsieur, regardez, il y a un oiseau qui vous a chié dessus. Et le vieux fait oh merde, il fait ah bah attendez, et l'autre a un mouchoir, il fait qu'est-ce qui vous arrive ? Ah bah attendez, je vous nettoie, et donc il nettoie le truc. Il y a pas besoin d'être deux. Et en nettoyant, bah si, parce que du coup il y a t'injectes et puis tu mets la seringue dans ta poche et puis tu vas le voir, tu dis oui, c'est on vrai. Vous a chier dessus. J'ai l'impression que t'es en train de Faut optimiser les mecs. Putain. Toi tu veux garder tout le magot. Attends. Il oui, y a des voleurs comme Macron. Oh non. C'est bon, il est pas président, il sera pas président, il est pas au second tour. Ah, je vais pleurer. Bon. Donc en vrai voilà, et les deux voleurs ont été pris par la gendarmerie de l'Hérault la main dans le sac, tout bonnement. En fait, ce qui a fait titre, c'est l'origine des deux hommes sud-américaines. Ça m'a tout de suite évoqué une autre affaire dans laquelle nous avions travaillé 2 mois plus tôt. Une femme âgée s'était fait dérober ses bijoux après avoir été aspergée de fiente de pigeon. Quelques jours plus tard, un couple sud-américain était interpellé en région parisienne et les bijoux dérobés ont été retrouvés. Lors du contrôle du véhicule, le major Marquet a retrouvé dans l'aile de la voiture une seringue sans aiguille avec un liquide odorant et marron ressemblant à s'y méprendre à de la fiente. Ainsi que 2 bijoux. Ah, les arnaqueurs à la merde d'oiseau, un film de David Fincher. Ouais, il est chiant parce que c'est-à-dire qu'il faut qu'il prépare la petite solution avant et tout. Mais moi je trouve ça un petit peu. Oh, il y a un petit côté justement. Artisanal. Voilà, c'est ça. On prépare la popote le matin, on arnaque les vieux l'après. Ça reste une sorte de prank. Par contre, pas sûr qu'il y ait un film comme celui avec Marco Mouli et Benoît Magimel. Ah, Olivier Marchal. Sur la taxe carbone. Un petit Olivier Marchal sur la merde d'oiseau. Il n'y aura pas de film comme ça. Est-ce que vous êtes déjà fait arnaquer ? Que ce soit au téléphone, dans la vie. Ah ouais, Guigui ? Moi, quand j'étais à la caisse, parce que j'ai été caissier dans un magasin de bonbons, figurez-vous. Tu peux dire le titre ? C'était Glups, sur les Champs-Élysées. Ah ouais ! En face du McDo. Oh putain ! C'est ouais, dans un magasin de bonbons. Ça existe plus ? Ah, ça existe plus. Non, c'est le mec, c'est ça. Un personnage de Tim Burton. J'ai été longuement arnaqué plusieurs fois même par des mecs qui disent attends, je suis désolé, tu peux me faire la monnaie. Ils donnent un billet de 100. Ah, c'est un faux. Et puis en fait, non, ils donnent un billet de 100. Et en fait, non, t'as pas des plus petites coupures et tout. Tu sais, ils t'embrouillent comme ça. Puis en fait, il y a grave de monde et tout. Et en fait, ils te donnent jamais le billet. Alors, je sais pas comment ils font. Ah ouais, en gros, ils te le posent. Ils font non, attends, ça marche pas. Attends, bouge pas, fais voir et tout. Paf, paf. Et toi, tu lui donnes 100 balles et tout le billet de 100, il est jamais dans ta caisse. C'est Donatien le magicien. Ça m'est arrivé vraiment deux fois. Ah, on m'a dit par contre, la prochaine fois qu'on te demande de faire la monnaie, tu le refais pas. J'étais ouais, t'inquiète. Vraiment, un mois après, j'ai fait ouais, pas de problème. Ouais. Tu travailles dans un magasin de bonbons, t'es innocent, c'est sûr. C'est ça, bah oui, soyez déjà heureux que je ne sois pas pédophile en fait. Parce que c'est vraiment. Non, mais pardon, non, mais. Ouais, bon. C'est le truc. Non, on ne coupera pas. Je vais au bout de ma pensée. Non, mais c'est vraiment le truc de les parents, ils disaient magasin de bonbons. Oui, fais oui, attention. Ouais, oui, bon, Guillaume attention. Est un pédophile. Oui. Alors, en parlant de magicien, bon. Moi j'ai une anecdote. Je me suis fait arnaquer par un magicien, figure-toi. Mais quoi ? Bah oui. Mesmer. Non, à l'époque, je travaillais dans le vidéoclub à Montréal. Il y avait un magicien qui venait louer des films. J'adore. Déjà, je l'imagine avec un grand oui, chapeau. Oui, c'est ça, une cape. Il fait oh. Je vais louer. Qu'est-ce que vous avez derrière votre cravate ? T'avais un DVD dans l'oreille. Ils ont toujours des cravates vertes, les magiciens. Ah ouais ? Bah oui, non, ils ont pas des cravates vertes. Comment il s'appelle ? Non, bref. Qui ? Comment il s'appelle ? Ah, il veut balancer sur un magicien. Il y a un gars qui a tout le temps une cravate verte, là. Comment il s'appelle ? Ah oui, oui, je vais te dire. C'est un youtubeur. Non, c'est un youtubeur. C'est pas Donatien, le magicien ? C'est le youtubeur qui fait le vélociraptor. Ah, mais oui, Max Bird. Max Bird, voilà. Il est pas un peu. Non, pas du tout. Non, il est pas magicien. Pas du tout. Et bon, bref, il me disait oui, moi je suis un magicien, avec mes mains je fais ce que je veux, etc. Bon, bref. C'est ce qu'il me dit. Avec mes mains, je fais ce que je veux. Ouais, les magiciens, avec leurs mains, ils font ce qu'ils veulent. Et donc, vous voyez ça, deux armes. et donc je dis oui, bon voilà. Et j'avais une montre, et en fait, un soir, je retrouve plus ma montre. Je suis attends, ma montre avant de venir. Oui, effectivement. Et il revient 10 minutes après avoir loué le film, et il me tend la montre comme ça, il me la montre. Et il monte la montre. Il monte la montre, etc. Et en fait, quand je lui ai filé le DVD, il a eu le temps de me prendre la montre. Bah, mais j'ai rien grillé, quoi. Putain. Et j'étais épaté. Et effectivement, avec sa main, il peut tout faire. Voilà. C'était pour vous dire, il monte pas les magiciens. Bah non, je me suis fait arnaquer par le magicien. Non, mais il t'a rendu quand même. Ouais. Il bah, t'a dit, oui, il voulait raconte. Juste se raconter, quoi. Il voulait juste m'épater avec ses deux mains. Mais ça a marché. Ça a marché. Toi, Adrien, jamais arnaqué ? Alors, je saurais toujours pas dire aujourd'hui si c'était une arnaque ou pas. C'était. Un mec, mais je vais arrêter de dire, je crois que je l'ai déjà raconté. Et je vais arrêter de dire, je crois que je l'ai déjà raconté. C'est un mec qui m'arrête, et c'était. J'étais assez jeune, et du coup, j'osais pas encore dire non tout court. Enfin, genre, quelqu'un qui m'arrête dans la rue, ou de manière générale. Et du coup, le mec, il me dit ouais, je vends des cartes postales, c'est pour les. Et c'était des. Je crois que c'était des francs à l'époque, mais je suis pas sûr. Je crois que c'était les francs à l'époque. Okay. Et il me dit ouais, je vends les cartes postales pour des enfants défavorisés, blablabla. Et moi, je m'étais fait arnaquer par un gars comme ça aussi. Qui m'avait juste dit, pardon, petite parenthèse, il m'avait appris, enfin, il m'avait chopé avec la meilleure phrase d'intro en disant, excuse-moi, man, t'es raciste? j'avais 18 piges. Je fais, bah, pas du tout. Il fait, ok, cool, parce que plus tard, je tombe sur des gros racistes. On vend des cartes postales pour des jeunes. Et là, t'es obligé de donner. L'arnaque à la carte postale. Donc, pardon, méga raciste. Et donc, le mec me dit, à un moment, il dit une phrase et il dit, c'est 1,50, 2,90, tu vois. Et du coup, moi, je comprends que c'est un alors, je sais pas si c'est franc ou euro, mais genre, on va dire euro. Ouais. 1,50€. Moi, je dis franc, mais... ou 2,90€. Ok. Et il me dit, du coup, t'en prends combien? T'en prends une ou deux? Et du coup, je dis, bah, vas-y, à ce prix-là, j'en prends deux. Sauf qu'en fait, c'était 1€. 1,50. Ah, et 2,90. 90 euros. Oui, il disait c'est 1,50, 2,90. Ah ouais. Et en fait, c'était le prix. Et du coup, je dis, bon, je vais en prendre deux, grand seigneur. Sauf que c'était ultra cher. Bah, et du coup, il m'a dit, bon, bah, du coup, c'est 90. Mais t'as encore le droit de dire non. Oui, t'as le droit. Mais t'as le droit de dire. maintenant, je dirais, genre, non, désolé, j'ai rien. Enfin, tu vois, bon. Mais évidemment, à ce moment-là où il me dit c'est 90, j'aurais pu dire. Oula, bah, pas du tout. J'avais pas compris, j'avais pas du tout compris, c'était aussi cher. Mais comme j'étais jeune et faible. Non, t'étais ambitieux quand même. Parfois vicieux. Oui, voilà. T'as payé 90 balles de carte postale? Alors, c'est soit 90 francs, soit 90. Mais bon, c'était. Je me souviens que ça m'a fait mal à l'époque. Ah, bah oui, c'était. Et c'était quoi les cartes postales alors? C'était de la merde, c'était vraiment nul quoi. Enfin, je les ai jetés quoi. Enfin, et donc, je sais pas si c'était une arnaque ou si juste. J'ai mal compris, ou alors où il était roublard et il faisait exprès de dire le truc un peu pour que tu. Mais en tout cas, j'ai. Voilà, roublard le breton. Moi, je pense qu'il se souvient de cette histoire parce que t'es le seul qui l'a niqué. il la raconte très souvent. Dans un autre podcast. Il dit, vous avez déjà arnaqué, vous? Il avec fait, un magicien. Un gars. Mais un jour, il y avait. Je parle de la fameuse histoire du livre. Il y avait une ex de Guillaume qui avait acheté un livre nul à chier. Une meuf était venue la voir dans la rue. Elle dit oui, je te vends un livre. Ça s'appelle Leur silence est un cri. Oui, leur silence est un cri. Avec un enfant aux yeux bleus dans une favela et tout. Et du coup, l'ex de Guillaume achète le livre parce qu'elle arrive à se faire convaincre par la meuf qu'il faut acheter ce livre. Elle a payé 11 balles. 11 balles. Je me souviens. Et en fait, ce livre est tellement haché que depuis des années, on se le cache chez nous. Dès qu'on va chez l'un, chez l'autre. Parce qu'on dit que ça jette l'œil. Ouais, ça jette l'œil. Ouais, c'est un livre qui porte l'œil. Qui porte l'œil. Et à chaque fois, on se le cache chez l'un, chez l'autre. Donc l'autre le découvre à chaque fois chez lui. Alors, silence est un cri. Et personne ne l'a lu. Hein, du coup. Non, personne. Mais là, il est chez moi en ce moment, je crois. Ouais, je crois. Mais je l'ai mis dans le KGB qui est dans mes escaliers, comme ça, il ne me porte pas trop l'œil. Tu m'as dit sur tes voisins. Exactement, voilà, sur l'œil des voisins. Ouais. Non, moi, je vous raconte ça parce que j'ai été arnaqué cette semaine. Enfin, j'ai failli être arnaqué cette semaine. Ah ouais. Et j'ai même vécu une double arnaque. Oh. Oui. C'est-à-dire que j'ai regardé sur internet, ça a touché plein de gens, peut-être des auditeurs. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs si jamais. Twitter, Floodcast Pod. Oh putain, je suis un animateur en fait. Ouais. Je suis un animateur. Je reçois un texto de Amélie.fr. Pas Amélie Poul, hein, mais non. Amélie. Mais ça c'est pour les cinéphiles, je sais que je suis avec deux cinéphiles. Et j'apprécie le. Ouais, la ref. Ouais, ouais. T'as la ref. Ah, je l'ai complètement. Ouais, voilà. Non, mais attends, avec Jamel. C'est avec Jamel. Ouais. Bon, voilà. Ah oui, bien sûr. Et donc, de Mago. Qui me dit, voilà votre carte vitale, on va vous renvoyer votre carte vitale. Et moi, il faut savoir que avec l'assurance maladie, je suis à chier la merde, j'ai pas de numéro de sécu. J'attends ma carte, j'ai pas de carte vitale. T'as pas de numéro de sécu? Ben, il marche pas, c'est trop bizarre. Là, je me suis fait opérer du pied, j'ai des numéros de sécu, ils disent ça ne marche pas, c'est fou quand même. Bon, bref. Ouais, bon. Et donc, il me dit on va vous renvoyer la carte vitale. Donc, moi, je suis trop content, je fais ah yes, putain, enfin, ça fait 10 ans que je l'attends. Et je clique et je mets mon numéro de téléphone. Ah, le phishing. Le phishing. Et ils me disent voilà, il faut juste payer Chronopost. Donc je paye Chronopost, je mets mon numéro de carte bleue. Ah, c'est bah je mets tout. N'importe quoi. Genre, tu payes les frais de port d'un truc. Une carte vitale, ça m'a pas paru si con. Et le site était vraiment bien fait. C'est très con. Et le site, c'était vraiment amélie-compte.fr. Enfin, le truc était plutôt bien fait. Mais un tiret, ça y est, c'est terminé. Un tiret. Mais tu sors de l'œuf. Bah, je sors de l'œuf. Regarde sur ma tête, il y a un bout de coquille. Bah, va chier sur des vieux. J'ai du jaune au pied. Mon pote, voilà, je suis dans l'œuf. Bon, bref. Et donc, je voilà. Et alors là, je reçois un appel quelques temps après qui dit Monsieur Bernard, vous avez été victime d'une arnaque. C'est la société des fraudes. Wow. Vous avez été victime d'une arnaque. Et ça se trouve, c'est une autre arnaque. Ouais, ça, c'est une autre arnaque. Ah merde! Pardon! Ah, bah non, mais je suis un détective! Pardon! Bon, l'anecdote va perdre un peu d'intérêt, mais non, j'ai quand même désolé, un peu de mots. Je suis trop rapide pour. T'es roublard! Tu vends des cartes postales! Et donc, voilà, donc effectivement, mais la meuf m'appelle, c'était des fraudes, machin, votre carte bleue a été prise par des gens. Vous êtes bien. Je fais ok, bizarre, vous êtes bien oui, Florent Bernard. D'où ils peuvent savoir? Il me donne mon adresse, il me donne mon numéro de téléphone, il me donne la carte qui se finit par temps. Donc je fais ah putain bah ouais et tout. Okay. T'avais donné les trois numéros derrière là? Bah oui, j'avais tout mis. Moi, c'était pour un chronopost, tu vois. Et donc, elle me dit toutes mes infos et dont mes numéros de fin de carte bancaire. Donc, tu confirmes bien tout. Et donc, elle me dit, vous pouvez me donner votre numéro de carte. Et donc, là, moi, j'ai un peu un réflexe de pas me faire arnaquer. Je dis, je sais pas, c'est bizarre au téléphone. Elle me dit, non, bah, parce que je sais que normalement, ils donnent juste, c'est à toi de donner les infos, pas eux, normalement. Toi. Oui. Et donc, elle me donne les trois derniers numéros. C'était une meuf ? C'était une meuf. Et donc, là, elle te parle normalement. Mais mec, de ouf ! Ah, okay, et en fait, d'accord. Là où elle m'a rendu fou, cette ordure, c'est qu'il y a ma fille qui était derrière. Elle fait, oh, j'entends le bébé, elle va bien et tout. Enfin, genre, elle sublime. Oh non ! Horrible. Sublime. Et donc, machin, elle me dit, bon, elle là. J'adore le floodcast. Hein. Je sais que je suis pas censé lire. Non, mais elle me dit, et donc, elle me fait, voilà, là, machin. Elle fait, bon, là, ils essayent d'être sur votre compte, là. Vous allez recevoir un truc à valider et tout, donc vous le validez surtout pas. Mais le truc est trop bien fait. Oh là là. Et donc, je reçois effectivement. Non, mais il mérite. je reçois une notif, la banque postale, 600€ sur Lydia. Elle dit, bah, n'acceptez surtout pas, je suis en train de travailler, je vais faire le truc, je vais essayer de les bloquer, machin. Putain, t'es allé loin dans l'arnaque. Non, mais c'était trop bizarre. Et tu sais, mais moi, je suis un peu perdu, tu vois. Je fais, ah putain, ok, étrange. T'es dans ta bulle, comme James. Je suis dans ma bulle. Je suis un peu comme James. Putain, mais c'est fou, tu maîtrises le rap. Ouais. Ouais, c'est fou, tous les codes. Rap, pardon. Si je te dis, par exemple, je sais pas, Joe Star. Bah, c'est IAM. Et donc, machin. Et là, bon, je suis pas non plus le dernier des abrutis. Elle me fait, ok, donc, bon, là, juste pour pouvoir vraiment vous renvoyer la carte, si vous me donnez le mot de passe que vous mettez sur votre site, la banque postale. Je fais, pardon, quoi, madame, c'est bizarre, hein, ça va. Je dis, ouais. Je fais, non, mais. Je vais bloquer ma carte de mon côté. Elle dit, ah ben là, vous pouvez pas, hein. Là, de toute façon, ils sont entrés dans votre vie, hein. Donc là, elle essaie de me faire paniquer, tu vois. Voilà. Elle dit, non, là, ils sont entrés dans votre vie, vous pouvez pas bloquer vous, hein. Je fais, ouais. Vous êtes en train de m'arnaquer. Elle me dit, quoi? Je fais, vous êtes en train d'essayer de m'arnaquer. Et donc là, je commence à paniquer en me disant, en fait, elle a beaucoup d'infos, je vais elle pas dit, la. J'essaye pas, je le fais, ça y est, c'est fait. et non, mais c'est exactement ce que je fais. Peut-être pas la chauffer en fait, parce que là elle a beaucoup d'infos, donc je raccroche. Tout de suite, je vais sur mon appli, je bloque tout. Je rappelle la banque postale derrière qui est morte de rire, vraiment c'est horrible. La meuf, vraiment ma banquière, me se fout de ma gueule en disant ah bah oui, évidemment, c'est une arnaque. Je fais bah oui, espèce de connard. Mais attends, banque postale, c'est-à-dire que t'as des chéquiers Tintin? Non, mais si je renvoie. C'est l'info qu'il faut retirer de cette. Mais si je renvoie 6 timbres, j'ai un jouet Batman. Donc, ok, d'accord. Vraiment. Oui, je suis à la banque postale. Mais tu sais quoi, je suis un enfant du prolétariat, moi, derrière mes apparats. Mais en vrai. Bon, bref, et donc j'ai failli être. Mais je me suis fait doublement arnaquer. C'est-à-dire qu'il y a l'arnaque de la carte vitale. Ah ouais. Et derrière, la meuf dit je suis de la société des fraudes et tout. Et donc j'ai son numéro de téléphone et tout. Et en gros, j'ai essayé de la rappeler derrière pour pas la harceler, mais un peu me venger, tu vois. Et le numéro de téléphone. On va l'appeler en direct. Bah, je pourrais essayer, mais je pense que le numéro marche. Ah, on aimerait bien. Je serais très mal à l'aise, mais en même temps. On va essayer. Horrible. Wow. J'ai une boule dans le ventre. Tu t'es fait arnaquer. C'est très pro, hein. Ah, c'est arnaque seulement en dehors des jours fériés, c'est quand même cool. Ah mais c'est un fixe en plus. Ouais, tu vois, non, mais c'est pas mal foutu, hein. Tain, c'est bien, c'est hein. Pas mal foutu. Bon bref. Comme dit Adrien, il mérite. Bah il méritait de me prendre un peu de sous. Franchement. Non, et alors du coup. Je me demande si je vais pas faire ça, moi. Juste pendant 6 mois, monter une belle arnaque et après j'arrête. Mais la banque postale, là où tu vois que c'est un peu marrant, la banque postale, j'ai une carte platinum quand même à la banque postale. Ce qui est l'équivalent d'une électron dans une banque normale, hein. Mais bon, et donc je fais opposition, donc il me renvoie ma carte bleue. Mais vu que c'est une carte bleue un peu cool, il me la renvoie par chronopost. Parce que comme ça, je l'évite. C'est cool, tu vois, tu galères pas une semaine sans ta carte bleue, donc je la reçois au bout de 3 jours. Mais là où c'est des génies, la banque postale, c'est que par contre, le code, il l'envoie avec un courrier différé qui lui n'est pas du tout envoyé par chronopost. Donc t'as une carte bleue que tu ne peux pas activer. Oh yes. Donc tu dis, oh bah. Et ça, c'est toutes les banques, hein, par contre. T'envoie à part le code. Non, ça, d'accord, mais dans les trucs genre, et si vous faites voler votre carte bancaire, vous recevez la nouvelle en 2 jours seulement. Tu dis oui, mais si le code arrive une semaine après, ça n'a pas le moindre intérêt. C'est vrai, plus ça que je critique. Ouais, bah oui, la banque postale, désolé. T'hésite pas à critiquer. Je vous débunk la banque postale. Je me souviens que quand j'étais au collège en 6ème, genre, j'avais une idée de génie. Enfin, je pensais que c'était une idée de génie. Ouais. C'était de contacter tout le monde en France pour leur demander 5 centimes. Et s'ils m'envoient tous 5 centimes. Ça fait de moi un millionnaire. Mais ça existe, hein. Non, mais attends, mais après, j'ai vite compris que j'envoie des timbres. Non, mais ça, parce que ça existe. Non, mais n'importe quoi. Il y a une arnaque où il prélève. C'est ça, 200... votre duo. Non, il y a une arnaque où il prélève 2 centimes par compte. Du non, coup, mais, tu non, mais pas ce que je viens pas là, c'est que c'était un budget timbre pour moi, de demander à toi. Oui, mais je pouvais pas le faire, c'était irréalisable. Oui, c'est vrai que c'est débile. Je suis pas comme ça. Parce qu'il y avait pas internet à l'époque. Mais maintenant. Ah ouais. Parce qu'avant, il fallait des timbres, mais là. Et si je faisais pas une petite story pour demander à chacun 5 centimes? Moi, j'ai fait opposition récemment sur ma carte parce que justement, j'avais plein de petites sommes qui disparaissaient et je comprenais pas. Et c'était juste des frais de ma carte bancaire. Donc, j'ai, ah oui. Je me suis auto-bloqué pour fait opposition. D'accord. Pour zéro raison. Et combien de fois t'as fait opposition dans... Je pense 15 fois. Oh, mais c'est, même ça, c'est énorme. Hein. Non, mais entre les pickpockets, les trucs ou internet. Moi, avec internet, je me suis fait beaucoup canne. Ouais, beaucoup. Ah ouais, ouais, ouais, ouais. Je suis un petit vieux. Hein. Ouais, bon, on m'a chié sur l'épaule, j'ai donné mes bijoux. Moi, directement. Une histoire de 2016 pour vous. Oh là là. Un homme a été arrêté parce que son feu arrière était défectueux. Gros délire, non, déjà, cette anecdote. Ah, je crois que je sais. Mais le policier s'est rendu compte qu'il y avait une autre charge contre lui qui n'avait pas été réglée par la justice et qui l'a mis dans la merde, à votre avis, laquelle. Qui n'a rien à voir avec le feu, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, mais on l'a pas. On l'a pas déjà. Peut-être, dit peut-être. Mais je crois que c'est un truc de ouf, genre. C'était un tueur en série ou un truc. Ah non, pas du tout. Ah non, non. Non. Alors, c'est vraiment un truc pas grave. Ah, ok. Mais qui a traîné pendant des années. On lui a dit, ah, désolé, vous avez fait ça il y a bah, du coup 15 ans. Et il a fait, bon, peut-être. Il avait un. Bah non, ça fait 15 ans que ça traîne, donc faut payer maintenant. Il avait un autocollant Groland. Non. Il avait un autocollant, ma conduite te dérange, embrasse mon cul. Urination publique. Non. C'est un délit de cet ordre-là, un peu. C'est vraiment moins grave que ça. Vraiment, genre, il a fraudé les transports. Non. Non, non. Plus grave que ça. Non, moins. C'est un truc qui, je crois, en France, c'est même pas spécialement. Ah, c'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis. Ah. Il y avait un policier, il lui a fait. Il lui a fait un chabit. Il a fait Macron. Salut, garçon. Alors, non, c'est pas ça. Non, non, c'est un truc. C'est même un truc, en gros. Qui a comment vous dire, ah, j'ai peur de vous dire trop d'indices, mais en gros normalement il y a plus de charge puisque le truc a disparu carrément. Mais alors est-ce que le flic l'a vu de ses yeux quand il s'est approché de la voiture ou est-ce qu'il l'avait dans ses fichiers? Non, dans ses fichiers. Ouais, voilà, non, non, fichiers. Ça n'a rien à voir avec la bagnole. C'est un délit qui n'existe plus parce que le truc qui aurait pu, voilà, qui aurait pu l'attaquer pour ça, qui a dû l'attaquer du coup, a fermé. En ah, gros. C'est un organisme. Ouais. Enfin, c'est un magasin. Un magasin. Ah c'est, ah je sais. Il a volé dans un magasin. Non, c'est Blockbuster, les vidéos là. Il a pas rendu une cassette vidéo en 2002. Et alors le film est parfait puisque c'est Freddy Got Fingered, donc va te faire foutre Freddy. Avec Tom Green. Chef d'œuvre du cinéma où Tom Green se cache dans un cadavre de cerf. Et peut-être, j'ai pas vu. Si, parce qu'en fait c'est très. C'est dans celui-là où il joue du piano et il y a des saucisses. Exactement, avec des saucisses. Daddy, would you like some sausage? C'est ça, exactement. Ouais. Non, pourquoi cette scène est connue? Parce que le film a été un peu oublié par plein de gens, mais Eminem fait une ref à ce film dans The Real Slim Shady. Donc la chanson est méga cultissime, mais fait une ref à un film que tout le monde a oublié. Ouais. N'essaye pas de piquer le nouveau job de Adrien, s'il te plaît. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Parce que tu veux donner ta culture rap là. C'est vrai. Ouais. Je voulais jeter à la gueule. Vous remarquerez que j'y suis tout de suite parti sur Eminem comme un excellent blanc que je suis. Non, mais vidéo club. Parlons vidéo club puisque Jean-Baptiste. J'ai une anecdote. Alors. Non, mais je lis. Non, mais c'est les tabziennes. Moi, j'ai envie de savoir si elle est tabzienne. Elle est tabzienne. Ok. Voilà, vous le voyez pas, mais je me frotte les mains. Tabzienne Thibault, l'actrice. Non, mais je vous le dis. Oh ouais. La chanteuse surtout, non? Bah, elle est actrice aussi, Fabienne Thibault. Non. Non. T'as raison, je confonds avec Lynn Renaud. Oui, j'ai pas cette info. Ah, le monde est stone en tout cas. Le monde est stone. Non, mais en parlant de retard sur des vidéos cassettes, hein, vous voulez une petite anecdote? Mais oui, tu l'as dit qu'elle était tabzienne. Je la connais. Oui, tu la connais parce que je l'ai dit dans We Love TFTC, mais le public de Fullcast n'est pas forcément le même. Et puis les animateurs non plus. Oui, donc je suis vendeur dans un vidéoclub à Montréal. Un magicien arrive. Bah, et un jour, un type arrive avec sa meuf. Et on sent que c'est les débuts de la relation. On sent que c'est un peu tout frais. Je le sens. Voilà, je sens ce genre de choses. Et oui. Et donc, je vois qu'il a plein de retard, mais sur des films de cul. Oh là là, le salaud. Bandeur, branleur. Exactement. Et moi, mon boss me disait, il faut vraiment demander aux gens de payer leur retard parce que là, c'est chiant, etc. Machin. Et donc là, je dis, voilà, vous avez des retards sur quelques films, etc. Avec des titres horribles. Sauf que comme il est avec cette meuf, j'ai pas envie de lui donner les titres. Je suis comme un gentleman quand même. Ouais, quand tu veux pas dire, écoutez, rendez-nous salope à Canal 9. Exactement. Évidemment. Et donc le mec me parle méga mal. Il me fait non, j'ai pas de retard et tout. Je me souviens plus vraiment des termes, mais il me parle vraiment comme une merde. Ah ouais. Il me fait comprendre que je suis une merde. Aïe. Et ça, quelle erreur alors. Merde. Vous avez oublié de rendre. je chie dans la bouche des hommes 3 donc. Et donc voilà, et en fait l'histoire c'est que à force de me pousser à bout, oh là là. À la fin je lui dis bon bah écoutez, je vais vous dire ce que vous avez comme film de retard, et là je lui sors les pires titres. Ah là là là, ah là là. Et là il s'en est souvenu et il m'a dit ah oui bien sûr, oui, je règle. Et donc il me règle les trucs, il passe derrière moi derrière le comptoir Et là, j'entends cette phrase culte de sa meuf qui dit « Mais c'est quoi ces films ?» Et voilà comment c'est terminé. Donc, bien fait pour lui, j'ai envie de dire. Pour moi, il a cherché la merde avec le Batman. C'est ça, tu vois. Il a fait chier un mec dans la rue, il savait pas le gars, c'est Batman, en fait. Ouais, bah oui. Tu l'as défoncé. Merci de me comparer. C'est Batman. C'est Batman, JB. Ouais, oui. Jean Batman. Oh, oh, pas mal. Oui, donc t'as bossé dans un vidéoclub. Combien de temps d'ailleurs? 2 ans. 2 ans. Et quel souvenir tu as de cette époque? Est-ce que c'est... Est-ce que tu y es allé en mode bon, je suis Tarantino, genre je me forge un truc et après. En fait, à la base, l'idée c'était de. J'avais vu comme pas mal de gens qui suivent les films de Tarantino, ces vidéos où il travaillait chez Vidéo Archive à Los Angeles, etc. Et comme je partais vivre en Amérique du Nord, je m'étais dit pourquoi pas vivre encore dans cette expérience et vivre, travailler dans un vidéoclub. Et là-bas, c'était vraiment le gros boom des vidéoclubs encore. C'était pas comme en France où Vidéo Futur, ça commençait un peu à baisser en 2008, parce que je suis parti en 2008. Oui, ça s'est franchisé en fait aussi en France. Vidéo Futur, ça a tué tous les vidéoclubs de France et après ça s'est... Exactement. Mais moi, j'étais dans un équivalent de blockbuster canadien qui s'appelle le Super Club Vidéotron, qui est le blockbuster... très bon titre, vraiment. Ouais, le Super Club Vidéotron. Et donc voilà, et en fait, moi, j'avais vraiment 3 envies de mec flemmard là-bas. C'était de trouver un métier où je peux porter ma barbe, m'habiller comme je veux et me lever alors que je veux. Et quand tu te bosses dans un vidéoclub, bah, tu peux faire tout ça. Et donc voilà, et en fait c'était trop bien. Tu sais, t'étais avec plein de gars qui m'ont parlé de films toute la journée. Je pouvais regarder plein de films. J'avais pas vraiment l'impression de travailler. J'étais très très mal payé, mais c'était le meilleur job que j'ai eu dans ma vie. Et tu pouvais prendre les films gratos, j'imagine. Bah, c'était trop bien ça. Genre 3 films par jour. Ah ouais. Et je pouvais louer ce que je voulais. Et parfois, tu sais, en France, c'est des films que tu peux pas avoir parce qu'ils sont pas vraiment disponibles. Et si tu veux les acheter, c'est 30 ou 40 euros le DVD. Ouais. Et là, c'est des films que je pouvais voir gratos, etc. Donc, c'était cool. T'étais vendeur, t'avais pas de choix éditorial. Tu conseillais les gens. En fait, on conseillait les gens. Et on avait tous une section. Chaque employé avait une section. C'est ce que je voulais demander. Ouais, voilà. Avec le coup de cœur de JB. Il y avait les coups de cœur de JB. Il y avait les coups de cœur de JB. Des coups de cœur de Tabzien déjà à l'époque Non, mais vraiment. Non, c'est une info que je voulais voir. Tabzien Olicard, du coup. c'était trop bien. Payé 1200 euros par mois, mais c'était le meilleur job que j'ai eu. Voilà. Devant YouTube. Devant YouTube. Ah ouais. Non, c'était trop bien. Franchement, c'était la meilleure période de ma vie. Vraiment. Et il y avait des férus de vidéoclub autour de la table. Toi, non, pas tellement. Ah ouais. Moi non plus. Ah ouais. Pas vraiment. Bah Cinoche. Non, j'avais pas. Ouais, le Cinoche est grave. Mes parents achetaient des VHS et tout, mais j'allais pas trop au vidéoclub en vrai. Ah, c'est marrant, moi j'y allais beaucoup par exemple. Tu y avais pas de rien toi ? J'y allais, mais bon, après de la dire féru. Mais je me souviens, oui, si, d'aller dans les vidéoclubs et puis de passer surtout beaucoup de temps devant les jaquettes de VHS à l'époque, je pense. Ouais. Ouais. Et de trucs, je me souviens de films qui m'avaient marqué, genre. C'est quoi, c'est Hellraiser, le truc avec les aiguilles, oui, hein, bien sûr. L'image m'avait marqué, Bad Taste, des trucs comme ça, en fait, souvent les trucs fantastiques et tout. Ça m'avait marqué quoi, il y avait un peu. Je restais quand j'étais gosse devant ces trucs. Mais ça fait partie de mon imaginaire, quoi, mon imaginaire. Mais j'ai vu le dernier film du réalisateur de Drive My Car. En fait, c'est 3 petites nouvelles au sein d'un même film. Et dans une des 3 nouvelles, c'est un futur, enfin, c'est dans 2-3 ans, où il n'y a plus Internet. C'est terminé. Okay. Et ben, en fait, on se rend compte que quand il n'y a plus Internet. C'est un peu une série, j'ai l'impression, Adrien. Oui, enfin, oui. Je veux pas, Non, mais oui, non, mais, non, mais ils se, se servent de ça pour placer un contexte. Et en fait, on se rend compte que quand il n'y a plus Internet, c'est le grand retour des vidéoclubs, quoi. Bah oui. Et en fait, quand tu suis tes séries, tu attends tes séries, tu les achètes pas sur Internet, mais tu les commandes, et en gros, on t'envoie les Blu-ray, etc. Mais il y a ce retour de l'objet, quoi. Ah, puis l'attente, parce que moi qui allais beaucoup au vidéoclub, quand il y avait une nouvelle sortie, c'était la queue, parce qu'ils n'avaient pas 1000 copies du film. Moi, je me souviens que Kill Bill 1, parce que j'avais pas le droit, j'étais trop jeune pour le voir au cinéma, et j'ai attendu genre 3 mois, parce qu'à chaque fois, et donc j'avais attendu, parce que je connaissais un peu le gars du vidéoclub. Je lui ai dit, au bout d'un moment, j'avais fait, tu sais quoi, je reste, et quand il revient, je le prends en fait, parce qu'on pouvait pas réserver les VHS et les DVD au vidéoclub. Donc j'ai attendu, genre, je crois, 3 heures dans un vidéoclub pour que Kill Bill revienne, et quand la meuf avait rendu Kill Bill, j'avais fait, oui, c'est bon, je le prends, c'est pour moi. Mais pour terminer sur une anecdote tabzienne, parce qu'apparemment Adrien s'en régale. Tu t'en régales. Bien sûr, moi je. Non, mais alors, personnellement, ça remplace la nourriture. Ah, donc, d'accord. Donc je te le dis. Donc, merci. Non, un jour, il y a un mec qui vient louer des films, et en fait, je reconnais sa voix. Je me dis, attends, mais je connais cette voix. Et en fait, c'était la voix française de Morgan Freeman. Benoît Hallman. Benoît Hallman. Ouais, voilà. Que j'ai personnellement dirigé. Voilà, je vous le dis, j'ai dirigé Benoît Hallman. Et c'était sympa. Dans un sketch golden, mais c'est un mec très très cool. Ouais, très cool. Très bon délire. T'as fait quoi toi comme taf avant de. Vendeur de Bombec. Outre ta carrière de vendeur de Bombec arnaqué. Tu veux des tafs un peu nuls? J'en ai plein. Ah bah régale-moi. J'ai gardé des chiens. Ça ouais, c'est génial, c'est trimballer des chiens. Et c'est ce qu'a fait Flaubert. Ah bah, c'est ça aussi. Non, non, et ça, par contre, c'est pas du tout nul. Bah non, c'est pas nul, mais je veux dire, c'est des petits tafs quoi. Ouais. Taf, j'ai distribué le journal 20 minutes devant le métro. Ah oui. J'ai distribué le journal du stade au Stade de France, déguisé en Toblerone. Là, on commence. Mais là, on commence à être bien. Mais c'est marrant parce que t'as sorti la version glamour, parce qu'en vrai, je promène des chiens, ça peut être je ramassais des merdes. T'aurais juste pu dire ça. En vrai, je promène des chiens, ça paraît glamour. T'as l'impression que t'as un guide de chiens, t'as pas de chiens. En fait, il y avait une vieille dans l'immeuble derrière qui avait un gros chien qui arrivait plus à le traîner parce qu'il tirait trop. Ouais. Et je le baladais tous les jours. Bon. Ouais, et c'est une période où j'étais chez mes parents et j'avais rien d'autre à faire. J'ai gagné 60 francs par semaine, je crois. Ah, pas mal. Oh, pas mal, hein. Pas si mal, franchement. 60 euros, non, 60 euros. 60 euros, je crois. 60 euros, je crois. 60 francs, c'est vraiment peu. 60 francs. Ouais. Et voilà. Et après, ouais, vendeur de Bourbec, pas mal. Pas mal. On dirait un peu que des métiers que les enfants rêvent de faire. J'aimerais vendre des bonbons. J'ai une très bonne et jouer avec des chiens. Et déguiser en Toblerone. Une fois, une mère vient avec son enfant et le fils me dit: oh là là, monsieur, vous avez vraiment un travail de rêve, etc. Et je lui dis: ah bah, tu sais que je peux manger tous les bonbons gratuits. Et le petit était là: mais non, mais j'hallucine, mais j'en rêve, etc. Et je lui dis: bah, tu vois, quand t'auras 18 ans, il suffit de déposer un CV et tu pourras faire la même chose. Et la maman a dit: enfin bon, excusez-moi, j'espère un peu mieux pour mon fils quand même. Bon, alors, comment je dois? Et j'étais là. Quelle horreur. Ouais, C'était Valérie Pécresse. Ouais, j'étais là. Ah ouais, bon, non, d'accord. Bon, est-ce que chacun autour de la table peut me donner son bonbon préféré? Je propose. Le bonbon préféré. Je pense que les amateurs de Floodcast veulent savoir quel est le bonbon préféré. Vous seriez très déçu de savoir le mieux vendu déjà. Ah, ah bah, alors, le plus vendu. Donne-le-nous. Il sait, il a les coulisses lui. Non, mais dis-moi vos préférés. Ok, alors vas-y, Adrien. Non, ça doit être les réglisses, c'est ça pour le plus vendu, c'est le Dragibus. Ah, tu vois. Juste après, c'est la fraise Tagada. Ouais. Dragibus, le Dragibus. J'ai lancé un bon sujet là. Et vegan au moins. Le Dragibus est vegan au moins. Ah oui. Le Dragibus est vegan et les ceintures acidulées là. Bien sûr. Elles sont vegan. Parce que les ceintures tout court non, car c'est de la vache. Ouais. Ouais. Voilà. Non, je vous le dis. Mais moi je sais pas. Bah moi c'est compliqué parce que en fait. Mais toi t'adores les bonbons déjà. Moi j'adore les bonbons, mais comme il y a avec sucré toi. Mais comme il y a de la gélatine dans 90% des bonbons, il y en a. Par exemple les fraises Tagada j'adorais, mais je peux plus en bouffer quoi. S'il vous plaît, faites de soit du porc, soit du poisson. Ouais. Maintenant il y a plus de propositions, mais c'est vrai qu'à l'époque il n'y en avait pas du tout. Donc ce serait les fraises Tagada apparemment. Bah je sais pas, ouais. Bon, après j'ai trouvé des petits bonbons vegan à la fraise qui sont délicieux. J'ai cru que t'allais dire, j'ai trouvé une astuce, je le dis pas. Je le fais cacher chez moi. Il y a pas mal de végétariens qui disent non, mais les bonbons. La moelle de l'animal, ça va quoi. Quand c'est maquillé en petits fruits mignons, je le mange quand même. Non, mais je sais pas. Sinon, les bananes, les bananes. Ah, pas mal, les bananes. J'aimais bien. Et toi, putain. Bah, moi, je suis pas très bonbon, je suis plus chocolat. Ouais, oui. Pour être tout à fait honnête, mais si je devais choisir. Vraiment un petit vieux, quoi. Oui, un réglisse, un petit chocolat. Les trois bleus, une dragée. Pastivichy, pas mal. Une dragée, une petite boule à l'anis, là, tu sais. Oui, une petite boule blanche, là. Allez, bêtise de Cambrai, une petite bêtise de Cambrai. Connard. Pardon. Est-ce que tu veux voir à quel point je maîtrise les rouages d'Internet? Dis-moi. Donnez-nous sous le post Twitter vos bonbons préférés. Ah ouais. Mais c'est pour ça que t'es une star en fait. Ah écoute. T'as pas dit ton bonbon préféré. Donc, moi je dirais Tagada en tout cas. Tagada. Ah je pense. Bah, écoute, je sais que t'aimes pas ma réponse, mais je raffole des dents de vampire un peu. Bah quoi, bah excuse-moi. J'adore les dents de vampire. De la pure gélatine. Une merde. J'adore les. Non mais pas de la gélatine avec le, tu sais un peu avec du sucre dessus là, pas la molle. Ah pas les molles. Pas la dent de vampire molle. Le sucre, personne n'a cité le schtroumpf qui est quand même. Ah si, j'adore les schtroumpfs. Très bon bonbon. Ah ouais moi. Non. Ah, bah moi je te dis j'aime pas les bonbons. Déjà c'est trop mou les bonbons. Moi j'aime bien les bonbons un peu durs qui croquent sous la dent quoi. Ouais. Voilà, je vous donne. Je vous donne non, mais on juge pas. Hein. Inside. Tu juges un peu. T'as pas du tout. Ah. Vendeur de Bombay, c'est un super taf. Hein. Oui, selon même ça si c'est rêver. Pas la maman. Parce que c'était ouvert 24h/24 et ça fermait à minuit. Ah donc c'était pas 24h/24. Donc pas 24h/24 du tout. Non, 7 jours sur 7. Ah, 7 oui, jours voilà. sur 7. Ouais, bah ouais, c'est pour ça que j'étais vendeur de Bombay, car je suis pas allé très loin dans les études. La mère, elle a dit, tu vois bien, c'est un débilos. Ouais, c'est un débilos. Mais un jour, il m'a raconté une histoire, il m'a dit qu'il y avait un prince saoudien qui était venu et qui avait tout acheté, c'est ça? Ouais, qui avait acheté. Bon, mais... il y a eu des stars. Il y a Nicolas Cage dans la boutique. Oh, pas mal. Et là, j'étais pas là, c'est mon boss. Boss, à 11h du mat, il dit, mec, incroyable. Nicolas Cage avec ses deux gorilles qui est venu s'acheter des bonbecs et tout. Putain, incroyable. Des vrais gorilles. Il a pris quoi comme bonbon? Ouais, des gorilles, des singes. Ils ont acheté des bananes. Des singes. À l'époque, aux Champs-Élysées, tu pouvais être trimballé avec deux singes dans. Voilà, ça a changé. Il est excentrique, hein, ce depuis mec. Qu'il y a Macron, on peut plus, mais à l'époque. Il a acheté un squelette de dinosaure, donc. Il l'a revendu, tu sais. Ouais, bah, non, mais il y a des gens qui venaient tous les jours, par exemple, tu vois. Mais je comprends. Bah, c'est les gens qui bossent là, puis c'est leur petit plaisir de la journée. Ouais, mais il y avait une dame qui venait tous les jours et qui prenait deux malabarmantes. Ah, je mais j'aime bien. Vas-y, 15 juste depuis. Prends pour la semaine non, quoi. Non, rituel. Mais non, parce que moi par exemple, je mangerai tout. Tu ouais, vois, je peux pas si je me dis. Mais peut-être qu'elle t'avait dans le viseur. Ah, non, bah non. Et que, non, non c'était une... Mais baise une vieille. Pardon. C'était un des films que le mec avait oublié de regarder. Baise une vieille contre un bonbon. Élection présidentielle. Ouais. Bonne ambiance. Donc là, on est dans le passé, nous, par rapport à vous. Donc vous avez des infos qu'on n'a pas. Mais il y a eu des goodies mis en place par les jeunes avec un tel, les jeunes avec une telle, les jeunes avec Macron, évidemment, c'est pire, là. Que de la chiasse. Mais est-ce que vous pouvez m'en trouver quelques-uns? Voilà. Bah, il y a eu des... déjà Macron, il y a eu une boutique genre. Non, mais il y a eu des boutiques pour tous. D'accord. Je dirais des chaussettes. Alors, il y a eu des t-shirts okay. Et donc sûrement un peu des chaussettes. Alors, ils sont tous. Je suis sûr qu'il y a eu des t-shirts genre le Z. Alors, moi, j'en ai un pas mal parce que j'ai vu un extrait passer sur Twitter de Guillaume Play qui a interviewé Zemmour. Il y a des figurines Zemmour. Oh la vache. Mais d'ailleurs, Guillaume Play, c'est fou qu'il a vraiment fait. Non, mais je vais interviewer tous les candidats, vous inquiétez pas. Zemmour. C'est vraiment qu'il a vraiment fait. Il a fait Anne Hidalgo, si on peut le dire. Ah ouais, le premier tour est demain. Okay. Il a fait Anne Hidalgo et Zemmour. Très beau panel de la France. Oui, de puis la c'est vraiment un candidat qui fait qu'à 11% de voix et l'autre qui a 2, quoi. Il y a des t-shirts. Alors, est-ce que vous pouvez trouver un peu les slogans des t-shirts Mais avec le Z de Zorro, par exemple. Non, Zemmour. Alors, ben voyons. Non, pourquoi ben voyons? Bah, je sais pas, je crois qu'il dit ça, ben voyons. Ah, il dit ça? Non, là, il y a Zemmour, j'en ai un. Attends. On va trouver. Il y a un jeu de mots. Ah, les Zemmours? Non. Non. Les jeux de France 2, c'est ouais, ça? Non, ouais, c'est bien. Ça. Alors, non, il y a pas ça. C'est avec son nom de famille? C'est avec son nom de famille. Zemmour, gloire et beauté? Non. Oh. Est-ce que c'est avec le mot amour ou pas du tout? C'est avec le mot amour. Zemmour, gloire et beauté? Quand on a que Zemmour? Non. Bien joué. Franchement, ce serait mieux, je suis sûr. Non. Zemmourinho, le coach de la Lestrade. Non. Est-ce que c'est une référence pop culture? Pas du tout. Le jeu de mots, il y a le nom Zemmour. Mais c'est un rapport avec amour. Avec amour. Ah. Et c'est genre une expression, par exemple? Ouais, bien sûr. À nos Zemmours? Non. À tes souhaits, à tes Zemmours? Le Zemmour de ma vie, non. Non, vous y êtes presque. Et est-ce que quand on le voit, on se dit, ah, c'est bien trouvé quand même? Pas du tout, on se dit, vraiment. Quel est le rapport même? On se dit, est-ce que c'est. Ah, Zemmour est dans le pré? Non. Non, mais. Est-ce que c'est. Que des titres un peu potentiels. On mettra pas Zemmour dans un titre podcast, mais bon. Est-ce que c'est. Amour au pluriel pour avoir la liaison pour faire. Non. Zemmour, c'est amour, non, Zemmour. Non. Zemmour, mon amour? Non. Merde, pareil. Non, je vais vous le donner. Allez, on en a plein. Faites Zemmour, pas la guerre. Oh. Ah, pas mal. Pas mal. Ah, apparemment, il a ton vote. T'aimes bien? Toi, t'aimes bien? JB adore. Non, pas mal dans la merde, c'est ça qui est bien. Ah, oui. Bah, il y a Zemmour, vraiment, de toute façon, c'est. Non, et alors sur Jadot, est-ce que vous allez. Jadot, regardez dans ces légendes. Non, il y a pas de jeu de mots. Ah merde. Il y a pas de jeu de mots, mais c'est très. Bon, il y a Jadot, j'adore, cela dit. J'adore. Mais il y a. Oui. Jadot, ça commence par quelle lettre? G, ah, le G. J, c'est le S. Le J, c'est le S. Oh, non. Ah, ouais. Hélas, un t-shirt, le J, c'est le S, avec Yannick Jadot qui fait le signe de Jules. Oh, sur non, un t-shirt. Non. Mais il fait pas vraiment le signe de Jules, en plus, il fait un truc bizarre. Il fait Yannick Jadot, peut-être. L'année dernière, j'étais en vacances en Bretagne, et sur un marché, j'ai vu un t-shirt, il y avait marqué Votez Sticule. un président qui s'appelle Resticule. Vos testicules. Ah ouais, mais attends, c'est Fabien Roussel, on m'a dit qu'il était très porté sur les jeux de mots. Ah ouais? Parce que genre il a dit, oh bah, si vous voulez voter pour moi, invitez vos amis pour boire un coup, faites des apéros Roussel. Ouais. Et il a dit, je crois en la théorie du roussellement. Oh ouais. Donc il est à fond. Il a mon vote. Non mais par contre, Fabien Roussel, il a sorti un truc, un bijou. Bon, je vous le donne, vous savez quoi? Des boucles d'oreilles en forme d'éclair aux couleurs du défi des jours heureux. Donc il y a des boucles d'oreilles. On sait même pas que c'est en rapport avec lui. Vraiment, personne. C'est Bowie. Oui, c'est David Bowie. C'est voilà. Des boucles d'oreilles Bowie. Ça n'a aucun sens. Tu trouves ça sur dans un vide-grenier, tu dis ah, c'est sympa, puis en fait, tu es communiste en fait. Tu savais pas. En merde depuis le début. Macron, il y a eu des goodies. Est-ce que vous pouvez m'en trouver un Est-ce qu'il y a des jeux de mots encore avec Macron? Alors pour le coup, c'est pas un jeu de mots, c'est vraiment un objet qui coûte pas cher, que tu peux utiliser un peu tous les jours. Un hand spinner. Il est extrêmement flippant. Par contre, je pense qu'Adrien est au courant parce qu'il est calé sur le rap, mais ils ont repris une chanson de rap au meeting de Macron. Je sais plus laquelle d'ailleurs, donc mon anecdote s'arrête là. ils ont pris une chanson et ils l'ont retournée en Macron, mais c'est une chanson de rap. Ah non, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la. Ils ont fait la kiffance. Attends, c'était ah quoi? Ah oui, voilà, c'est la kiffance. Ils ont repris la kiffance et ils ont fait. C'est la défense parce que le ouais. meeting était la défense. C'est la défense. Ah. Ouais. Oh. Ouais, bah oui, bah ouais, la vache. Il a mon vote. Ah ouais, avec Macron, on va refaire la France. C'est la défense. C'est la défense. C'est la défense. Ah ouais. Putain. Je peux pas détester plus. Ouais, c'est vrai. Ah attention, il faut que tu trouves le goodies. Est-ce que c'est un petit laser qui va sur le mur et non, ça. Non, mais on est dans ce genre de merde. On est. C'est les jeunes, la boutique des jeunes avec Macron. Oh déjà, jeunes avec Macron, mais bon sang. Bon sang, bonsoir. Donc un objet, un petit objet du. C'est les jams, hein, d'ailleurs. Si t'es un peu les jeunes avec Macron s'appellent les jams. Les jams. Oh non. L'émission de Julien Jocelyn. Space Jam. Space Jam. Donc il y a évidemment des comment des mugs. Des mugs, des tote bags. Il y a un mug Liberté, Égalité, Fraternité, mais avec écrit T-T-H-E à la place de T. Oh les batteurs. Voilà. Oh non. Ah bah si. En quoi c'est Macron? J'en sais rien. Ce slogan, c'est. Mais je crois que c'est plutôt l'esprit Macron, c'est-à-dire que tout peut faire du pognon. Oui, en fait, c'est juste le fait que ce soit un produit dérivé, bah c'est Macron. C'est Macron en fait. Non, non, il y a des chaussettes avec écrit Brigitte quand même. Mais non, mais non, bah, non. Ça suffit maintenant. Si, regardez, je vous le montre. Hein, des voilà, des. Mais comment ah, mais Brigitte. Oui, mais attention, parce que c'est avec le logo suprême. Oui, parodie du logo suprême. Ouais, qui a déjà été, d'ailleurs, c'est déjà un plagiat, le logo suprême. Je vous invite à. Ah oui. Il y a un petit documentaire sur YouTube où ils ont volé une artiste new-yorkaise qui a inventé ce. Écoute, j'ai l'autorité de le dire, c'est Tabzien ce que tu viens de faire. Ouais, c'est Tabzien. C'est absolument Tabzien. Non, non, mais cette esthétique avec la. Une photo de Macron jeune avec écrit Forever Jam. Avec encore le. Ils reprennent le truc suprême. Bah, oui. Est-ce que Macron plaît aux meufs en mode beau gosse? Bien non sûr. Ah ouais oui, sûrement. Bon, sûr. Bon, plaît, elles hein. ont plus de 64 ans. Je sais mais... qu'Adrien le déteste, mais t'es obligé de dire qu'il est beau gosse. Écoute, non, non, mais oui, non, mais ça va, oui. Bah, c'est peut-être le plus beau président qu'on a eu. Ouais, ouais peut-être. Physiquement. Ah, il n'a pas eu Chirac, d'autres. Chirac, quoi. Ouais, Chirac. Chirac jeune, éventuellement. Mais... Et alors, il y a un truc que je trouve d'un niveau d'angoissant, je pense pas que vous le trouverez. Oh. Un cache webcam 3 euros. Donc, déjà, remplacer un bout de scotch avec un truc à 3 euros. Mais où à la place du cache webcam, oh, relou. T'as une tête, t'as les yeux de Macron avec la phrase on a tous besoin d'un peu d'intimité. Oh mon dieu. Avec 3 petits points de suspension. Pour coucher c'est quoi, avec sa prof. Imagine, tu te branles et à l'objet d'avoir une webcam, t'as les yeux de Macron mec, vraiment grand ouvert. Genre, vas-y, jouis, mon pote, jouis. C'est horrible. Jouis devant moi. Qui s'est déjà branlé? Aujourd'hui ou... Bon, vous trouverez pas le goodies. Le mais goodies. Si, bien sûr. Attends. C'est vrai que je vous laisse pas le choix. Enfin, je non, non, mais ouais. quoi Attends, il y a un petit objet. C'est un objet à l'effigie de Macron. Voilà, je vous aide un peu. C'est vraiment son visage, un dessin de son visage sur un objet. Un décapsuleur. Très bonne réponse, Adrien Méniel. Regardez-moi un décapsuleur Macron qui fait très peur. Ah, mais on décapsule avec ses dents. Ouais. Ah, ouais. mais quelle horreur. C'est on dirait des parodiques, quoi. C'est pas du tout un truc officiel. Ah non, non, c'est les jeunes avec Macron, c'est la boutique mais des gens. On dirait qu'on se fout de leur gueule. Ouais, de ouf, on dirait qu'on se fout de leur gueule. Non, non, c'est les jeunes. Regarde la gueule avec ses dents là. Mais vous êtes pour lui, non? Ouais, ouais. L'extrême droite a vendu a vendu des boules de pétanque. Voilà. Pas mal. Avec obut.com. Avec obut. Attends, non, mais non. Obut.com avec la flamme boule de pétanque. Ah, attends, attends. Obut, ils ont fait un partenariat avec l'extrême droite. Mais attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, je sais pas, je vois ça. Écoutez, la boule de pétanque RN vendue sur la boutique en ligne du parti. Obut.com. Ah, mais attends, ça doit être. Je pense non, que Obut, tu peux faire des trucs personnalisés c'est ça, et qu'eux, ils prennent une marge. C'est ça. Doit, c'est enfin, si j'étais Obut, je serais un peu agacé. Oui, déjà, il y avait Karcher qui avait dit à Valérie Pécresse arrêtez molo, de dire molo. Que vous allez passer les banlieues au Karcher, quoi. Arrêtez d'utiliser notre nom. À la limite, quand c'était Sarkozy, ok, mais là. Vraiment, tu vois, Sarkozy, il l'a dit une fois. Elle le disait tout le temps et Karcher a dit bon arrêtez maintenant. Ouais. Mais sur la boutique, c'est fou, on dirait vraiment du AliExpress quoi. Sur la boutique du Rassemblement National, il y a vraiment de tout aussi quoi. C'est-à-dire qu'ils vendent effectivement donc des boules de pétanque 65 euros les trois quand même. Ça et va pour des bonnes boules c'est. Ouais cela c'est dit. C'est le prix. Toi t'es très calé en boules, ça va. Ça va. Ouais. Si c'est du titane. Une enceinte Bluetooth avec écrit français réveillez-vous 15,50 €. Et ça va. Des masques en tissu lavable, des montres fabriquées en France, bien sûr, j'imagine. J'imagine tout aussi, ça, bien sûr. Et des porte-clés Marine Le Pen. Et voilà, donc la boule. Mais comment le porte-clés Marine Le Pen? Écoute, c'est son visage. Ouais, c'est son visage. Ouais, c'est une son photo, visage. Genre. Ouais, ouais. Oui, mais que en les contours. Ah, les contours. Un dessin donc. la silhouette, quoi. La silhouette. La silhouette. Oui, mais c'est photoréaliste. C'est pas un dessin vraiment. C'est décalqué, quoi. C'est une décalque. Et Mélenchon. Mélenchon, c'est sur un tote bag. C'est bah il reprend un mème. Hein. Donc toi, je sais qu'Adrien, t'es dans les mêmes. Je suis féru de Mélenchon. Donc, je suis féru de mème. Une des deux phrases est sarcastique. Je peux vous aider. Il fait le mème de Drake. Voilà. un dessin de Mélenchon qui fait le même genre laisser monter l'extrême droite, non merci, faire barrage, oh là oui. Alors c'est juste lui qui dit non merci. Ouais. Et la phrase, bah elle est un peu jeune aussi. Elle est un peu jeune si vous aimez les artistes jeunes. C'est un peu Weshden. C'est tu es en plein dedans. Tueur de ma vue. Macron, tueur de ma vue. Avec Mélenchon qui fait le même degré. Il a mon vote. J'aime Mélenchon, mais son équipe de com sont des gros forceurs quand même. Ils adorent le web. Ça, tu peux pas leur enlever. Ils adorent Twitch, déjà. Et ils adorent le web en règle générale. Mais quand même. Pour que moi, qui peut pas blairer les mêmes, arrive à aller au-delà, c'est quand même... Tu l'aimes beaucoup. voilà, écoutez des petits goodies comme ça que je vous offre. Élection toujours, l'abstention risque encore d'être très haute. Alors vous êtes dans le futur, vous le savez déjà. Mais il y a 4 initiatives qui ont été mises en place pour inciter les gens à voter, un peu de gens différents. Ah, je sais. Déjà, il y a des travailleuses du sexe qui ont dit si vous envoyez une photo avec votre bulletin de vote, je vous envoie un nude. Ah ouais, j'ai vu ça. Écoute, je l'avais pas. J'ai hésité à faire pareil. Pas mal. non, alors moi j'ai pas ça. J'ai un truc avec, par exemple, la station des jets. Comment ? Une station de ski qui invite les votants à skier pour 1€. Si tu prouves que t'as voté. Et tu peux faire. Le forfait de ski passe de 1€ contre 37,40€. Ah ouais, mais on est d'accord que c'est impossible de prouver que t'as voté. Parce que. Enfin, si, parce que tu peux. Oui, si, quand même. Bah, si t'as le bulletin, quoi. Une photo dans l'isoloir et tout, mais. Il faut présenter ta carte d'électeur tamponnée à la date du jour. Bah oui, bien sûr. Ou du récépissé d'une procuration. Je sens que je suis vraiment. Pourtant, je vais voter, mais vraiment, je suis rien. Oui, mais t'as un coup de. Oui, bien sûr, oui. Cela dit. Vous n'êtes pas obligé de voter avec. Je crois que la simple carte d'identité. Bon, de toute façon, on est dans le futur. Vous l'avez peut-être. Peut-être que vous êtes là, genre. Putain, on savait pas. Si seulement Floodcast ne l'avait dit, mais ouais, t'es pas obligé parce que moi j'ai comme un con, j'ai ouvert l'enveloppe comme un gros porc et j'ai déchiré ma carte d'électeur, juste le haut, hein, donc j'ai mis un bout de scotch, mais parce que je l'ai ouvert comme un gros bourrin. Bah après, quoi, t'avais payé Chronopost et tout, c'est ça. Des préservatifs, comment ? Une marque de préservatifs, Calvin, connu pour ses emballages porteurs de messages décalés, a incité aussi à aller voter avec une collection de préservatifs au slogan humoristique. Alors là, vous allez vous régaler, les amis. Alors là, pas dans les burnes, mais dans les urnes. Plutôt des jeux. Oh là là là. C'est qui était aussi un des films loués par le magicien. Je mélange un peu les anecdotes, c'est le magicien qui a loué des pornos. Non, des capotes cartes pénectorales. Oh là, c'est nul. C'est double. Péné et oral, mon pote. D'un coup, c'est excellent. Nul quand même. Ah ouais. Érection présidentielle. Ah, ça, classique. Ah oui. Classique. Classique. Oui, d'ailleurs, récemment, Adrien avait posté des stories où, en gros, il filmait les affiches électorales. Oui. Qui se prêtent à plein de jeux de mots, finalement. Bah oui, les gens, c'était dans une rue, les gens. Mettait des petits. Il corrigeait les noms pour faire des petits jeux de mots. Il y avait donc Jean-Luc Mélenchon. Oui. Et Pécresse, c'était pas mal aussi. Pécresse. Régresse. Ouais. Wow. Régresse. Moi, quelqu'un de ma famille, quand il était jeune, pour se venger, il nous racontait ça au Noël. Il disait moi, en 95, c'est Chirac 95, ouais. Il dit je suis allé voter, mais dans le bulletin, j'ai mis la photo de Chirac des Guignols. Oh putain. Et c'était genre. Prenez ça, les politicards. Ouais. Il est là, mon engagement politique. Prenez ça, la vieille de 65 ans de mon quartier qui a ouvert, qui a fait. Bon, c'est une photo de. Ça a jeté, quoi. D'un truc, voilà. Oui, bon, Obi-Wan Kenobi, très marrant. Voilà, allez, ciao. Je me souviens quand j'étais en 5e, il y avait l'élection des délégués de classe. Bien sûr. Et j'avais fait une... à blague. Bah oui. Et j'avais fait une vanne qui avait fait marrer toute la classe, mais rétrospectivement, quand j'y pense, c'était de la merde, quoi. Il avait mis Zemmour. Non, j'avais voté pour Drazik. De Arte. Pas mal, De Arte qui arrive, j'avais mis juste Drazik et la prof avait fait Drazik et tout le monde s'était tapé des barres. Pas mal. Parce que moi, il y avait une prof qui était aveugle et il y avait un chien et tout le monde avait voté pour le chien. Ouais, pas mal aussi. C'est relou en vrai, parce que du coup, on est obligé de le refaire, quoi. Oui, c'est ça. Bon, on le refait du coup, ouais. Bon. Oui, moi, vous êtes un peu des génies de l'humour, parce que moi, j'aurais fait Monsieur Caca. Ouais. Alors, Monsieur Caca, président. Transition pour mon anecdote, c'est que ma mère participait régulièrement au dépouillement du bureau de vote de notre quartier. Quelle famille de gens politisés. Oui, plus que moi. Moi, jamais, jamais je ne ferais ça, je pense. Non, et elle m'avait dit qu'ils avaient trouvé une fois dans l'enveloppe une feuille de PQ, mais avec de la merde dessus. Oh. T'imagines le degré Attends, je vais me torcher le cul chez moi. Ça, c'est un mec qui coûte trop. Ou alors le mec prend juste son PQ, se torche dans l'urne, et le mec, enfin tu vois, non, bon, mais la logistique. Moi, excuse-moi, mais le mec qui a ce genre d'idée a forcément toujours un peu de merde au cul. Ouais, ouais. H24. C'est vrai. Peut-être une petite seringue avec de la. J'ai une très bonne anecdote sur du PQ et de la merde. Ouais. Écoute, je mets une petite serviette autour de mon cou. Aucune mauvaise anecdote qui a commencé comme ça. Bah, elle est italienne et surtout, tu la connais, Guillaume, parce que. Parce que c'est toi. Attends. Il a levé son index. Avec... Non, mais c'est pas sur toi, c'est pas sur toi. Non, mais est-ce qu'on parle de. Attends, on parle. Mais je vais pas dire le nom. Ah, on dit pas le nom. Non, bien sûr, je dis pas le nom. Non, non. Mais on était. On dit pas le nom, bien sûr. Avec Guillaume, on s'est rencontré au studio Dailymotion en 2014. C'est Pierre Cross. En 2014. Et en fait, tout simplement, un jour, il y a un gars qui est sorti des chiottes. Ah, bah je peux la raconter. Ah, bah donc tu parles de. Non, mais on dit pas le nom. Pierre Cross. Non, et du coup, il y avait un. Sortait de son jean, il y avait encore du PQ avec de la merde. Il avait dessus. En fait, alors attends, attends, je vous explique. C'est possible. Genre, je le vois passer et je passe derrière lui, tu vois. Il était dans le couloir et là, je vois, genre vraiment, tu sais, une queue de PQ quoi. Pas du tout, pas de trois flèches. Une sorte de ribambelle. Voilà, une petite ribambelle. Et non, la queue du Mickey dans les manèges. Et là, je dis, mec, il te reste du PQ, tu vois. Ouais. Et en fait, il l'a tiré comme ça. Et vraiment, il y avait de la merde de. La merde de fin de torche, la merde de deuxième torche, tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment, vraiment du caca quoi. Et c'était un magicien, il l'a tiré pendant très longtemps. Et il a fait genre, ah oh. Et après, il est parti aux toilettes quoi. Je crois que c'est le plus gros fou rire que j'ai eu là-bas. Mais alors, attendez, donc ça veut dire que si vous dites pas le nom, le mec est connu quoi. Non, il est pas connu, mais nous on le connaît. Ouais, on le connaît. Mais il est pas connu du tout, vraiment. Bon, on vous le dira à la fin. Non, on le dira pas. On vous dira à la fin, mais il y a une autre truc aussi. Donc on le connaît nous. Non, vous le connaissez pas. Mais quand on était au studio Dailymotion aussi, j'avais fait un truc, c'est que j'avais lancé une rumeur au sein des studios Dailymotion. J'avais lancé la rumeur qu'il y avait un. Comment s'appelle ça? Un soupeur. Un soupeur. Parce que je prenais du pain et je le mettais dans les chiottes, là où on pisse. Et en fait, à chaque fois, je disais, c'est qui le soupeur? Il y a du pain dans les chiottes. Et tout le monde pensait qu'il y avait un soupeur à Dailymotion. Putain. C'est ce qui fait que YouTube a percé. Hein. À la base, ça devait être Dailymotion. L'appli Tinder. Ah, déjà un coup de main aussi. Est-ce que vous savez comment? Ah, pour les élections, bah, ouais. On n'a pas fini. Bah, tu fais des matchs gratos du coup? Non, quand même pas. Non. Non, mais c'est-à-dire, parce que normalement tu dois payer quand t'es un gars, non, c'est ça? Non, je crois pas. Non, d'accord. Non. J'ai jamais été sur Tinder. Non, c'est tout simple, hein, c'est pas très funky. Hein. C'est juste qu'en gros, pendant que vous swipez, de temps en temps, il y a des trucs qui t'expliquent. Aller voter, ouais. Bah, pas que juste aller voter, mais qui explique, qui détaille les démarches à entreprendre. Voilà. Même c'était. S'inscrire sur les listes il y a quelques semaines, Il y avait une appli comme ça récemment là où on calquait sur Tinder, mais en fait tu swipais à gauche ou à droite. Exactement. Mais tout le monde avait ce truc aussi de pour qui vous devez voter, genre il y avait 5000 questions. Tout le monde a utilisé, c'est ça que tu parles? Ça, ouais. Oui, ah, pardon, excuse-moi. En fait, ça te montait une proposition d'un des candidats. Exactement, et tu swipais à gauche ou à droite. Mais c'était toi qui m'expliquais que c'était un peu mal branlé. Bah, en fait, en fait, il fallait le faire vraiment longtemps pour que ça s'équilibre. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que si. Mais ça, ils te le disent pas. Et c'est-à-dire que moi, je l'ai fait pendant quand même ce que je considère être assez longtemps. Moi, je l'ai fait 200, 300 fois, moi, je pense. Ouais, bah, voilà, c'est beaucoup, tu vois. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que bah, des fois, tu swipes genre quelqu'un. Moi, je sais que par exemple, il y avait rendre numérique l'administration, tu vois, qu'il n'y ait plus de papier. Un peu comme le mec qui avait du papier dans le trou de balle. Non, et donc ça, je dis, bah, oui. Le magicien du vidéoclub. Ouais, voilà. Je mélange toutes les anecdotes. Ouais. Je dis, bah oui, super. Donc ça, je dis, c'est pratique, c'est bien. Et tu te retrouves avec Jadot et Le Pen à la fin. Quoi. Ouais, tu te retrouves avec Macron, c'est une proposition de Macron, mais tu vois, ça reflète pas du tout les idées. Enfin, tu vois. Et je m'étais pas retrouvé du tout avec Macron en premier choix, mais genre, limite en troisième position, il y avait Macron. Je fais d'où? Ouais. Je vais voir pourquoi. Et il y a, bah, vous avez liké ça. Je fais oui. Bah. Je sais pas si vous avez vu, mais dans gouvernement. Ça ressemble beaucoup à gouvernement. Nouement, ouais, moi c'est. Et ça, pensez-y les mecs. C'est Bigard qui m'a ouvert les yeux là-dessus. Bah, tu t'as mis une petite puce à l'oreille, je crois. Ouais, ouais. une femme s'est faite licencier à cause d'Adam Sandler. À votre avis, pour quelle raison? Bah, elle a laissé prendre une photo avec lui. Est-ce que c'est en lien avec son tournage à Paris? Pas du tout. Okay. Non, c'est une anecdote qui a quelques années, mais qui est juste une façon pour moi ensuite de vous expliquer. Je pense que j'ai raconté un peu, mais. Je pense que j'ai peut-être une piste. Vas-y. Bah, en fait, Adam Sandler, il y a tellement de gens qui prennent des photos avec lui que la meuf, elle avait dit à son taf, ah, oh, je suis malade. Et en fait, en arrière-plan, elle est en photo avec. Non, c'est pas ça. Bah, non. Peut-être c'est mieux que la vraie c'est réponse. C'est malheureusement beaucoup mieux que la vraie réponse. Est-ce que c'est en lien avec un film ou dans sa vie de tous les non, jours? Non, c'est dans un film. Ah. En vérité, tu sais quoi? Tu n'es entre guillemets pas si éloignée. Ah, elle est en figure sur le tournage du film. Alors, elle est passée par hasard. Ouais, non, en fait c'est ça. Malheureusement, elle s'est un peu fait avoir parce que son contrat lui disait, mais en gros, elle apparaît dans un film, c'est une journaliste qui apparaît dans le film Ubi Halloween, qui est un des derniers, je crois qu'il a fait sur Netflix. Ubi Halloween. Ah oui. Ubi Halloween, oui. Ah, pardon, OK, excuse-moi. Et en fait, elle avait un contrat qui disait, mais en fait, tu n'as pas le droit d'aller sur d'autres chaînes ou plateformes, et tu es actuellement dans un film Netflix, tu es donc licencié. Voilà, tout simplement. Merde. Aïe. Donc, elle voulait faire juste un petit caméo sympa, et on lui a dit, Ouais, trop bien. Casse-toi, casse-toi. Dégage. Mais ça, souvent, je me dis que c'est des gens, et vous allez voir, je rebondis sur l'actu, parce que je vais vous parler de Will Smith. D'ailleurs, Will Smith, c'est le premier tour, et Chris Rock, c'est Jadou ou quoi ? Un mème que je vous ai offert un petit peu comme ça, que je vous envoie dans la gueule. Non, mais je pense souvent, ça, c'est des gens, quand ils se font virer ou bouger pour des raisons comme ça. En vrai, c'est juste, ça fait une éternité que des gens veulent les virer ou faire des trucs. Ouais, et dès qu'il y a eu un petit truc sur lequel sauter. Il y a eu cette théorie où tout le monde était là. Non, mais les gars, vous croyez vraiment à ça? Mais ça se voit que c'est écrit de bout en bout et tout. Bah, du coup, non, du coup. C'est vrai, génial que les gens ils gardent ça jusqu'au bout. Genre, là, il est exclu 10 ans. Vous croyez vraiment que... On en reparle dans 10 ans, à mon avis. On va vous montrer que c'est un prank. Moi, je pense qu'ils ont pris la sanction de 10 ans pour éviter de lui enlever l'Oscar. Parce que s'ils lui enlèvent l'Oscar, ils savent très bien qu'après, tout le monde va leur tomber dessus en mode ah ouais, bah, faut enlever l'Oscar à Polanski. Ouais, Polanski, Woody Allen. Bah oui, c'est pour ça qu'ils ont fait ça, je pense. Oui, complètement normal en plus. Après, ils peuvent toujours les bannières des Oscars, cela dit. Je crois que c'est fait. Ah ouais, c'est fait. Peut-être pas Woody Allen, mais en tout cas, je sais que Weinstein, tout ça, enfin il y a eu des gens qui étaient virés pour des histoires de viol et d'agression sexuelle, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ouais. Mais à la base, moi je voulais pas vous parler des Oscars, je voulais vous parler d'Adam Sandler, parce qu'en fait, moi j'ai rencontré Adam Sandler, j'en ai même pas parlé dans un podcast. Et te reste-t-il seulement une idole à rencontrer, Flaubert? Mais j'ai décidé de toutes les rencontrer, et la première que j'ai rencontrée, c'est Adrien Méniel. Oh, salut les garçons. Oui, parce que j'ai rencontré Adam Sandler, puisqu'il était sur un tournage. En fait, faut savoir qu'il tournait beaucoup dans mon quartier où je vis. Et ça me... Parce que plein de gens m'ont envoyé, avec la bienveillance des réseaux sociaux, « Ha ! T'es un stalker !» Alors, un peu. Bien sûr. Mais le fait est, c'était surtout qu'il tournait dans mon quartier. Et c'est ça qui me rendait fou. Il a tourné pendant 3 semaines autour de chez moi. Et j'avais des gens qui le croisaient. Mais même, pour l'anecdote, quelqu'un qui allait à la Boule Noire faire votre événement, Guigui et Adrien, qui m'envoie un texto qui dit « Putain !» Oh, un texto, un message sur Insta, qui me dit « Putain, j'avais un sweet floodcast et je viens de croiser Adam Sandler sur le chemin qui mène à la Boule Noire. » J'étais genre « Mais putain !» Donc vraiment, il était tout autour de chez moi. Et un jour... une personne qui me suit me dit « Écoute, je travaille sur le film, il tourne pas très loin de chez toi, là, lundi, quoi. » Et donc, bref, elle me dit « Il tourne là. » Et là, pour le coup, je suis un stalker où je fais « Ah, voilà, je vais y aller. » Et donc, j'y vais et je me dis « Bon, vas-y, je vais pas non plus attendre des plombes. » Je me dis « Si je tombe dessus, c'est cool. » Et donc, bref, j'y vais et là, par contre, il sort. Vraiment, j'arrive, il sort. Et je le croise. Et donc, dans ce moment-là, tout se mélange dans ma tête parce que je me dis « Merde !» Est-ce que je lui dis que 2 jours avant, j'ai quand même fait une projo avec Panic Cinéma de Funny People devant 500 personnes? Est-ce qu'il s'en branle ou pas? Et je pense, en fait. Et est-ce que tu saurais le dire en anglais? Si, si. Mais en vrai, je me suis dit exactement ça. Je me suis dit, projection, en fait, tu dirais? Screening. Oh, joli! Non, mais quand même. C'est le Cinoche, il connaît tous les mots. Je connais tous les mots, que du Cinoche. Non, mais par contre. Cinéma? Cinéma. Ouais. T'as essayé de piéger, je crois. Ouais. Et bon, bref, et je me suis dit. En vrai, je vais pas commencer à lui raconter des « Bah, c'est grâce à vos films qu'aujourd'hui je fais mon métier. » Parce que quand t'es Adam Sandler, je pense que t'as eu toutes les phrases, en fait. Je pense que t'as des gens qui ont ouvert leur t-shirt et il y a sa gueule en 16 mètres par 2. Vu toutes les photos de lui qui a avec des fans. C'est ça, il y a des gens qui ont dû dire « Bah voilà, mon enfant, il s'appelle Adam Sandler. » Enfin, je pense qu'il a et eu droit. Tout le monde doit essayer d'être un peu original. Exactement. Du coup. Donc en fait, j'ai juste fait « J'aime beaucoup ce que vous faites. Merci pour vos films. Et est-ce que je peux prendre une photo ?» Mais le fait est que j'étais en porte-bébé puisque j'étais avec ma fille. Et il m'a fait un truc très stylé, il fait « Ah, you got a baby !» Il a frotté un peu le dessus de la tête et il fait « Not the best, man !» Et on prend la photo et il est parti avec ces deux gorilles qui étaient les gorilles de Nicolas Cage, oui, je pense, même, ouais. À qui j'ai offert quelques bananes comme ça pour, voilà, pour le plaisir. Et il est parti faire son chemin et je suis parti faire le mien. Oh, et donc voilà, et donc bonheur, j'ai la petite photo. Et un amour, une gentillesse. Il était en Bermuda ? Non, mais il avait une doudoune Patagonia dégueulasse. Mais il avait les lunettes de Uncut Gems un petit peu. Une lunette un peu fumée des acteurs du cinéma français, comme on les appelle. Mais Adrien, tu disais que les mecs comme ça, ils ont eu vraiment toutes les phrases possibles au moment de prendre une photo. Et justement, j'avais vu une interview de Seinfeld récemment qui disait un truc cool. Il disait, moi j'accepte de faire des photos quand je suis un peu surpris par le gars, quoi. Et il disait que récemment. Quelle erreur de dire ça! Il est en flic! Quand je rentre chez moi, il est là! C'est pour avoir une photo. Non, et en fait, il disait récemment, j'ai croisé un gars par exemple qui a commencé en disant, je sais que vous allez détester ça. Et en fait, il disait, bah voilà, il m'a eu là-dessus, quoi. Il m'a eu là-dessus sur le. Ouais, je suis d'accord. Je sais que vous avez détesté ça, mais est-ce qu'on peut prendre une photo? Ça, c'est une technique très de psychologie inversée, très utilisée des gens en DM qui disent, bon, je sais que tu vas jamais lire ce message. Bien sûr. C'est vrai souvent. J'arrête de lire parce que c'est là où sur toi ça ne marchait pas. Non mais oui, mais c'est tout à fait. Mais moi en plus je suis très sensible parce que je me vois jeune souvent quand les gens, tu sens qu'ils sont un peu tremblants et machin, je me dis putain mais c'est trop touchant quoi. Donc La dernière fois il m'est arrivé un truc comme ça où il y a une meuf qui est venue me voir, elle m'a dit c'est toi là, elle m'a montré mon Insta, je fais ouais, elle s'est barrée. Elle m'a rien dit d'autre. Pas genre je suis abonné, je kiffe tout. C'est, elle s'est barrée. Et t'as vu qu'elle te followait pas en plus. J'étais là, genre tout s'abonner. Je fais juste ok, bah ouais, c'est moi, ouais. Mais moi c'est ça. Mon niveau de célébrité, c'est des regards bizarres et des gens qui sortent leur téléphone et qui googlisent. C'est pas un niveau fou. C'est non, les gens oui, doutent et quand ils vérifient que c'est moi, ne viennent pas me voir. C'est juste genre ah oui c'est lui. Vous avez rencontré vous des grandes vedettes ou des gens toi. Par exemple, avec ton métier, parce que t'as rencontré par exemple une réalisatrice, la réalisatrice de First Co, par exemple. Ouais, exact. J'ai eu la chance d'interviewer. Le bol que ce soit vrai. J'ai même parce qu'il m'a un peu observé, genre de quoi tu parles. Là, vraiment, je suis sûr de ce que je dis. Tu l'as rencontré, vraiment. Ouais, j'ai eu un interview avec Kelly Reichardt, qui est ma réalisatrice préférée. Donc ça, c'était trop cool. Et un peu comme Adam Sandler et d'ailleurs, je passe vraiment pour un beauf, quoi. Moi, c'est Kelly Reichardt, moi là, qui a fait des films d'auteur. Toi, c'est Adam Sandler qui a fait. En termes de beauf, moi, je sais même pas qui c'est. Donc comme ça. Non, mais tu vois, le fait de rencontrer Kevin Smith ou Adam Sandler, des gars que t'admires comme ça, c'est toujours cool. Et là, m'ont inspiré même. Moi, c'est ça qui me. Ouais, voilà. Ouais. Mais là, en plus, ce qui est cool, c'est qu'il y avait une discussion avec elle. Donc ça, c'est trop bien, quoi. Tu vois. Donc ça, c'est cool. Et sinon, non, qui d'autre Adrien, on t'entend. Oui, pardon, c'est incroyable. Prends pas mes mimes. Ouais, il partage une bonne banane. Ah, on est des gorilles. Vous êtes les gorilles de Nicolas Cage, je vous rêve. Exactement, c'était nous depuis le début. Oui, un petit creux. Pas mal. Un vieux Scooby-Doo. Oh, t'es un singe depuis le début, Adrien. Oui. C'est pour ça que t'étais toujours content quand on parlait de singes violents dans le podcast. Oh, pardon. En fait, quand j'ai de la photo aussi, j'ai rencontré pas mal de mes idoles. Ça, c'était cool. Idoles musicales. Et puis. Et ce qui est cool, c'est que quand je fais de la photo, en fait, genre qui comme idole, par exemple, des noms comme ça. Non, mais idole, par exemple. Pas vois, forcément des gens connus, mais juste des idoles. Non, mais par exemple, j'ai bossé avec Bon Iver, mais pas ce, mal. Ce qui était cool, c'est que comme Bonnie Tyler, par contre. Ouais. Il faisait froid, non. Non, mais ouais. Bon, c'est que c'était dans des conditions qui étaient assez cool. Non, dans des conditions cool, par exemple, Bon Iver, c'était avant qu'il fasse l'Olympia. D'accord. Et puis je l'ai pris en photo, puis après il m'a dit vas-y, bah viens. Il mettait un western dans sa loge. Il me dit vas-y prends une bière, on se mate la fin du western ensemble et tout. Puis j'ai maté un western avec lui. C'était cool, quel western? C'était un western de Corbucci. Oh, ça n'existe pas. Le grand silence. Le grand silence peut-être. Non, c'était le premier qui se passe l'hiver, donc peut-être c'est ça. Non, c'est pas ça. C'était un Django, parce qu'il y a eu plusieurs Django. Et c'était un Django qui était cool. Chained, celui-là. Est-ce qu'on peut raconter aussi qu'on a rencontré Jean-Claude Van Damme? Oh. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Van Damme aussi. Ouais. Et en fait, on était à une conférence de Jean-Claude Van Damme, conférence de presse, et genre à la fin, il dit bon bah voilà, merci, au revoir et tout. Et évidemment, il se barre pour aller autre part. Et j'étais là, non, mais c'est pas possible. Genre, je fais excusez-moi, on pourrait prendre une photo. Le service de sécu qui est là, non, non. Il fait ah, attends, je prends une photo avec les fans et tout, c'est cool. Et genre, on prend la photo, sauf qu'il y a plusieurs appareils, et Van Damme, il sait pas où regarder, tu vois. Et du coup, il a fait une photo culte avec JB, où en fait, on dirait, genre, il regarde là-bas. Faut que vous voyez la photo, elle est très drôle. On dirait qu'il est arraché. Ah oui, parce que le regard est perdu en fait. Le regard est perdu, il est comme ça, il ressemble à rien du tout. C'est catastrophique. Ah oui, mais par contre, après, il l'a rencontré pour de vrai. Ouais, après, je l'ai rencontré quelques mois plus tard et puis il était très cool et tout. Et il m'a dit, vas-y, sors ton téléphone et tout. Et je lui filme mon téléphone. Et là, il se met en mode vidéo. Non, il se met en mode vidéo, puis il commence la vidéo par je suis avec un poteau super, son nom c'est Jean-Baptiste. Bon, trop bien. Tu vois. Ah, mais je crois que je l'ai vu cette vidéo, non ouais. Tu l'avais pas posté? Ouais, je l'ai posté. Bien sûr que je l'ai posté. On peut raconter ce qu'il a fait après ou pas? On peut, on va sûrement la couper. Ah ouais, non, après, il fait un truc pas mal. C'est qu'en fait, il venait à Paris pour un film qui s'appelle Lucas. Et moi à l'époque Lucas j'étais... Studio d'ailleurs. C'est un biopic sur Lucas Studio. Ou c'est Jean-Claude Van qui joue Lucas Studio. Non, et moi à l'époque j'étais chez Webedia et il y a une meuf de Webedia qui m'appelle, qui me dit ouais, je peux t'avoir une fenêtre comme ça avec Van Damme, ou t'es juste avec lui dans une salle de ciné. Pardon, je vois juste une vraie fenêtre avec Van Damme de que tu peux mettre dans ton appart. Et donc je dis bah trop bien, Van Damme, être avec lui c'est trop cool quoi, tu vois. Et il présentait son film Lucas et tout, et il prend le téléphone, il fait ouais, je suis avec un poteau super, son nom c'est Jean-Baptiste. Alors moi j'ai gardé que cette séquence là parce qu'après il dit il a vu Lucas, il l'adore, alors t'adores Lucas? Et je l'avais pas vu quoi, tu vois. Et du coup je lui dis ouais c'était super, j'ai adoré, c'était trop bien et tout. Et puis voilà, donc j'ai coupé avec un poteau super. C'est pas à ça que je pensais, mais ah, tu pensais à quoi? Ah non, mais ça je peux pas le dire. Non, on peut pas le dire. Non, ah, je peux bon. Pas le dire, je peux pas le raconter. Oh, ce sera en tête, Adrien. Moi je la connais, elle est excellente. À qui appartient selon vous, et après on passera à ton jeu, Adrien. Tu sais quoi, non, je vais faire une autre, c'est là, je la garde pour la semaine prochaine. Oh, Allez, je vous le dis. Alors il y a eu un drame en Bretagne, un Breton a perdu dans un incendie l'intégralité de sa collection d'une immense valeur. À votre avis, que collectionnait-il? Est-ce que c'est un truc cheap? Pas du tout. Ah, c'est un vrai truc bien. Bah, ça dépend de tes accoutumances, tes accointances. Mais Une collection de Johnny Hallyday. Très belle réponse. Ah bah tiens, bah, évidemment, qui c'est lui. Quel mépris, non mais le mépris, mon gars. Vraiment, vraiment le mec du magasin de bonbons, quoi. Bon, évidemment, qui c'est l'autre con là-bas. Ah ouais, j'espère mieux pour mes gosses quand même que répondre à ce genre de questions. Il avait un véritable temple dédié à Johnny qui a disparu dans les flammes et la fumée. Il avait allumé le feu, peut-être. Alors, tu ne crois pas c'est si bien un métier, dire. Hein. Ouais, et c'est même pas du rap. Imaginez sur du rap. Non mais c'est la blague. Après notre rap, je suis énorme. Il a fallu l'intervention des pompiers nul, de Brest. Nul, intervention, pardon. On peut revenir. J'ai mis du temps à me rappeler du nom Planète Rap et la phrase était même pas drôle. Colère, ouais. Ah non, hein. Comme quoi. Ah, c'est nul. Erwan Masson a perdu sa maison et toute sa collection, mais il n'a pas perdu son humour. J'aimerais toujours la chanson de Johnny, Allumer le feu, a-t-il expliqué à nos confrères. Série documentaire de Johnny sur Netflix. Vraiment pas mal. Et j'ai vu que deux épisodes, j'ai trouvé ça vachement bien. Et après, tu te vexes quand je dis ah, évidemment, il a des réponses. T'es fan de Johnny. Mais j'aime bien. Mais ouais, bah voilà, il n'y a pas de mépris. Des trucs quand on est fan de Johnny. Moi, j'ai non, mais je suis pas fan de Johnny. Mais non, mais quand tu connais un peu. Disons son... que. Non, mais ce que j'ai trouvé pas mal, c'est qu'on s'attaque au côté sombre de la personne. Ça, c'est assez fou. Ça, par contre, je trouve ça. Il y a combien d'épisodes? Je sais plus. Mais... Pas long, c'est 4 ou 5. 4 ou 5. Et c'est. Le montage est un peu speed. C'est-à-dire que moi, je regarde, moi je connais rien de la vie de Johnny et c'est vrai que c'est très bien fait parce que moi je suis un peu la génération fin de Johnny, donc moi c'est cuir, moto et Stade de France, alors qu'évidemment c'est plus grand que ça. Mais et du coup il passe très vite sur des infos genre bah là Sylvie Vartan va pour le quitter, donc il fait une tentative de suicide. Ouais, de ouf. Et après il passe tout de suite au deuxième truc, genre bon alors il s'en remet et tu fais bah mec, une tentative de suicide, donc ta meuf te quitte. Et t'entends des voix off de Obispo qui sont là genre ouais, alors moi je l'ai connu dans une période sombre, je l'ai vraiment littéralement retrouvé à poil dans son jardin. Qui se roulait par terre, ou alors avec un flingue sur la tempe, et c'est tout. Et après, on passe à autre chose. Et on passe à autre chose très vite, c'est en off. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je sais pas si c'est la maison de disque qui a fait non, mais enlever des trucs. Mais j'ai trouvé que c'était un peu rapide sur et ces même trucs-là. Ce qu'on raconte Adeline Blondio, là, c'est assez ouf. Bah ouais, et alors moi j'ai googlisé, parce que je sais pas si vous faites ça, moi c'est mon défaut. Quand je regarde des documentaires, j'ai envie de gratter en même temps sur le web. Et sur Wikipédia, c'est Tiki Olgado qui l'a retrouvé après sa tentative de suicide. Son. Comment on dit? Pas un impresario, comme on dit, un manager, un manager. De main, un assistant de Johnny. De Johnny. Ah ouais, et donc, du coup, c'est Tiki Olgado, donc tu l'imagines avec ce jovial et marseillais qui tombe sur Johnny en tentative de suicide, quoi. Donc, c'est méga vénère. Et le docu, je trouvais qu'il allait un poil vite sur ça ces trucs-là. Un poil là, vite, quand mais ça rencontre même pas mal Aznavour, les, c'est pas mal horrible. Les échecs, quoi. Ça, c'est cool, mais à un moment, il te fait. Il y a Aznavour qui vient, alors il lui dit. Wow. Non mais en vrai, Aznavour, il dit quand même, Aznavour c'était comme mon deuxième père, donc tu dis putain, enfin même mon premier parce que son père l'a abandonné machin. Il dit ah intéressant, zéro phrase d'Aznavour. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'est très rapide pour une vie aussi vaste. C'est assez donc j'ai pas vu tout donc, mais le début je l'ai trouvé un poil speed. J'ai vu un extrait. C'est vraiment très intéressant par contre. J'ai vu un extrait et j'ai appris un truc dans l'extrait, c'est qu'apparemment c'était un méga mythomane. Ouais. Et il disait à tout le monde qu'il était américain et qu'il avait rencontré Elvis. Et, merde, et que tout le monde dit enfin c'est pas possible. Oui, mais il a une phrase que j'adore et qui est un truc même d'enfant, parce que moi c'était vraiment comme ça quand j'étais enfant, c'est non mais j'ai besoin de beaucoup mentir parce qu'en fait je me force à y croire et du coup souvent j'arrive à mes fins me persuadant que ce mytho est vrai, quoi. Et moi quand j'avais 14 ans, c'est ça, genre ouais j'ai trop vu le roi scorpion et tout. Mais et jusqu'à ce que c'était des petits mythos. Ouais, c'est un peu la phrase de Georges Costanza dans Seinfeld quand il dit si tu crois à ton mensonge, c'est plus un mensonge parce que tu y crois, tu vois. C'est un peu ça. Ouais. Non, en tout cas, il y a un truc très sombre dont ils ont pas parlé dans le truc de, tu sais, il y a un rapport avec son père qui est horrible. Ouais. Et en fait, une fois Johnny, il savait que son père, il était un peu à la rue, il lui a payé un appart autour des champs. Le père, il a vécu un mois, il a foutu le feu, il a disparu sans laisser de traces. Mais volontairement, il a foutu le feu. Ouais. Non, ouais, mais le père, il est extraordinaire, il est de méchanceté. C'est-à-dire ouais, que, en gros, on spoil un peu le docu, mais ça va vous donner envie de le voir parce que c'est une des nombreuses anecdotes. À un moment, le père de Johnny, son père l'a abandonné quand il avait genre 6 mois, je crois, ou 8 mois. C'est très tôt. C'est assez tôt. C'est un invite-mort, quoi. C'est, voilà. Et il va le voir pendant le service militaire de Johnny. Donc ils ne se sont pas vus pendant 20 ans, je pense, un truc comme ça. Il y va. Et donc Johnny revoit son père, quoi, à la caserne. Et en fait, c'est des journalistes qui le prennent en photo. Et en fait, c'est des journalistes qui ont payé son père pour retrouver son fils. Ouais, pour faire des photos de. Il revoit son père, quoi. Ah putain. Et le père, plusieurs fois, en interview, dit. Oui, enfin, je suis content pour lui, mais je m'en fous en fait. Ouais, il en a rien à foutre. Oui, c'est une vedette, bah bravo. Bah bravo, c'est trop tout. C'est tabien. Alors, tu pourrais difficilement trouver plus tabien sur le Johnny. Oui, bien sûr. Je te le dis tout de suite. Bah, moi, je dis bravo à lui de pas être impressionné par la célébrité. un gars authentique. Adrien, alors, tu m'as dit. Alors, c'est complètement nouveau. Hein. C'est-à-dire que Adrien a préparé un petit jeu. Il ne m'en a même pas parlé. C'est bien de souligner que ça ne branle rien d'habitude. Mais non, Adrien. Ah, non, mais c'est bien. Les pubs. Mais hein, en insécurité. C'est moi qui les écris, les mais pubs. Oui, qui nous rapportent du pognon, là. Mais oui, il en a. Non, bon. Alors, tu m'as, JB, offert une transition de merveille, puisque c'est un jeu qui porte. Alors, j'annonce, je l'ai déjà fait sur Twitch, ce jeu, mais bon, du coup, quasiment personne parmi les gens qui écoutent ne l'auront vu. C'est un jeu sur les parodies pornographiques. Ah, excellent, ah oui. j'adore. Je suis au paradis. Et donc, je vais vous donner des titres de films. Il y a aussi quelques petits titres de séries, voire d'émissions télé, mais c'est surtout des films. Bien sûr. Je vais vous faire trois propositions. Okay. De titre de parodie porno, il faudra me dire laquelle est la vraie, ou alors si c'est aucune des trois. Okay, et okay. C'est du coup moi qui. Enfin, qu'aucune des trois n'est vraie. Ok, vas-y. Alors, le château de ma mère. Alors, on peut dire. On peut peut-être faire un quiz aussi parfois, vous dites le réalisateur si vous voulez. Hein. On peut étendre le truc. Bon, le château de ma mère. Qui a réalisé Château de ma mère? Allez, les La gloire de mon père, le château de ma mère, tout ça. Bah, c'est Claude Berry, non? Ah bah j'en sais rien moi. Ah par oui, contre. Ah, okay. Moi je compte sur vous. Moi c'est le porno moi. Hein. C'est, pas... et oui, c'est un film qu'on nous obligeait à voir à l'école et très mauvais souvenir. Ah putain, alors moi j'adore La gloire de mon père. Ouais, mais j'aime pas trop. Obligé de le voir à l'école. Oui, ouais, c'est ça. Bah, dès que t'es obligé, c'est comme les bouquins. Exactement. Quoi. Ouais, mais je suis obligé. Mais non, c'est Yves Robert, je suis con, pardon, évidemment. Voilà. Évidemment. T'es Yves Robert Nard. Ouais. Allez. t'es Yves Flaubert en fait. Yves Flaubert. Donc le château de ma mère. Ouais. Est-ce que c'est le clito de ma mère? La chatte de ma mère, le château ma mère. Ouais. Ou alors aucun des trois. Voilà. Moi j'aime bien la chatte de ma mère, ouais, c'est très efficace. La chatte de ma mère, c'est un uppercut. C'est quoi le 2? Redis le 2. Alors le 2, je sais pas, j'ai pas dit dans non, l'ordre. Non, mais il y a le clito de ma mère. Le clito de ma mère, la chatte de ma mère, le château ma mère. La chatte de ma mère, j'aime bien. J'ai envie de le ouais. voir en tout cas. Les trois disent ouais. C'est la chatte de ma mère. Ah bravo. Yes. Allez. Souvent, ils vont à l'essentiel. Bien sûr. Très calé en cul. Vous trois, oui. Alors, là, ça pourrait limite même pas être la parodie du truc, quoi. C'est vraiment la chatte de ma mère, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Bah, alors, j'ai googlisé la chatte de ma mère et il y a pas le film. Il y a beaucoup de photos de chat, beaucoup de chat de, ouais. De ta mère d'ailleurs, ce qui est bizarre. Ouais, pas du tout d'accent du sud. Et, ouais, et t'as pas oh. cherché sur internet, mais dans ton disque dur. Personne qui dit on va chasser la galinette. Non, personne. Vraiment, vraiment personne. Le bureau des légendes, la ouais. série. Ah, je crois que je connais. Est-ce que c'est le bourreur de légendes, le bureau des salopes? Oh mon Dieu. Le bureau des légendes du cul. Le bureau des salopes. Ou alors aucun des trois. Bon, le bureau des salopes. Moi je dirais aucun des trois. Je sais pas. Non, moi aucun des bureau trois. Des salopes. Bureau des salopes. Bureau des salopes. Bureau des salopes. Bureau... C'est aucun des trois. Mais ouais, ah, dommage, ça ouais. n'existe pas. J'en aurais entendu parler. Le bureau des salopes. Mais je sais pas si on l'a déjà dit dans un podcast. Et d'ailleurs, je crois avec toi, JB. Moi je rêve qu'il y ait des parodies porno sur des trucs que j'ai fait. Et y en a pas quoi. La flamme, j'y croyais. La flamme, je me suis dit là. Plein de meufs, un mec. La flamme, ah, ouais. Tu vois, là il y a moyen de faire un truc de cul et tout. Il y a rien eu quoi. Je suis dégoûté. Bien avec prête-moi ta main avec Shabba. Bon, sûrement prête-moi ta bite, ouais, un truc comme ça. Attendez, ne spoilez pas. Éventuellement le. Mais cela le dit, il y a peut-être plus trop des parodies porno. C'est vrai que maintenant on est plus dans c'est le made. Aux États-Unis, je crois qu'il y a encore. Il y a une culture, il y a une culture là-bas. Ouais, ouais. La flamme, j'étais deg. Moi, mais bloqué. Je me souviens, alors je vais pas dire parce que ça. Bloqué dans le cul. Bloqué. Je me souviens que je possédais des parodies de grands films. Bah oui, c'est sûr. Bah oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Moi, j'ai vu la parodie porno des Schtroumpfs, mais en image réelle. Ah oui. Oh là là. Très, c'est très dégueulasse. Ils sont peints en bleu. Ouais, de la, c'est ça. Évidemment, la peinture sur bleu. La bite. Bah si, au début, mais très rapidement. La parodie de L'Exorciste aussi, qui est catastrophique. Ah la vache. Bah, moi, j'ai vu Bob l'éponge aussi, qui est atroce, parce qu'il est vraiment déguisé en éponge. Oh, oui, c'est... Il se fait sucer. Alors, bah, moi, j'avais la cassette des Visiteurs. C'était les Visiteuses. Alors, ça, c'est un des plus connus. Je vous propose de ne pas spoiler. Ah pardon. Bon, il y avait les Visiteuses, mais je l'ai pas mis dans ma petite sélection. Ce que j'aime, c'est que t'étais chez toi et t'as écrit bon, le bureau des salopes. On va pas s'emmerder non plus. Moi, je fais... bah oui, mais parce que cela dit, ils s'emmerdent rarement. Oui. Non, mais parce qu'il faut pas s'emmerder. Les vrais gens qui trouvent les titres, ils prennent la première idée, clair. Quoi. D'ailleurs, bon, Dorcel ou je sais pas quoi, les équivalents là. Si vous voulez faire un rap jeu du cul, bon, on est là. Hein. Sur oui, okay. Ah, oui. Mais moi, je suis là pour faire un truc de cul. Moi. Un truc comme Babor là, je suis. Ah ouais, mais de ouf. Moi, écrire et réaliser, ça peut être très marrant. Ouais. Ouais. Les Demoiselles de Rochefort. Les Demoiselles me branlent fort. Les Demoiselles aux Loches d'Or. Les Salopes de Rochefort. Ou aucun des trois. Les Salopes de Rochefort, ouais, pardon, mais hein, mais... On sent que tu t'es dit bon, je vais mettre salope à tous les titres là, que... Les Salopes de Rochefort, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire aux Salopes moi, de Rochefort. Moi je trouve ça trop vieux pour qu'il y ait une parodie. Donc je dis rien, je tente le rien. Et c'est JB qui a raison. Oh, ah, génial, putain. Aucun des trois. Ah là là. Alors La grande bouffe, qui l'a réalisé? Marco Ferreri. Oh oui, ouais, il est là, il est là. Ça c'est une voiture. Mais d'accord, oui. Et Marco Mouli. Mais Fogiel, Marco Fogiel. La parodie porno, est-ce que c'est La Grande Mouille, oh. La Grande Me Bouffe, ah, bien. Ma Grande Rousse, ou aucun des trois? La Grande Me Bouffe, ouais. La Grande J'ai me envie bouffe. De dire aucun des trois encore. À l'ancienne, La Grande Me Bouffe. Eh bien, c'est La Grande Mouille. Ah, qui existe. Ouais, du coup, ouais. J'essaie de me faire la version porno du film. Ça devait être, bah, c'est ouais, c'est Sodome et les, enfin, Salo et les 120 jours de Sodome, quoi. C'est on a tous fait. Ah, c'est La Grande Mouille. Alors, ah, les esthètes. On avait un cognac et un cigare à ce moment-là. Oh, dis donc, oh, La Grande Mouille. Alors, excellent. Je faisais tourner mon cognac dans mon verre là, comme ça. Je précise que j'ai pris une liste. Bien de sûr. Parodies porno, je suis pas allé vérifier à chaque fois si c'est c'était... pas basé sur ta culture personnelle. Non mais je veux dire, je suis pas allé vérifier à chaque fois si c'était vraiment une parodie qui existe ou oui. pas. Non, a priori oui, mais bon. Serge le mytho. Oh, j'en rêve. Serge le clito. Verge de mytho. Serge le baiser. Ou aucun des trois. Oh, aucun des trois, non. Oh, aucun des aucun trois. Des trois. Aucun des trois. Mais c'est aucun des trois. Ouais. C'est aucun des trois, putain. D'accord. Mais Brice de Nice. Ah si, ça. C'est ah vrai, ça, ouais. c'est sûr. Attends, je peux peut-être le trouver. Bite de Nice. Non, de Nice. Ou Brice d'Anus, je crois. Brice ah, ou... Brice l'Anus. Ouais, un truc comme ça. Alors. Vas-y, pardon. Phil de Nice. Ouais. Le Phil, diminutif de Philippe. Ah, oh, ça peut être ça aussi. Hein. Bite de Nice. Ouais. Brice de Mich. Ouais. Ah, pas mal. Ou aucun des trois. Ah, y a pas Brice l'Anus. Eh ben alors, je crois que c'est Phil de Nice. Je crois que c'est un délire où c'était sur un acteur porno connu. Bah, j'ai envie de tenter Phil de Nice parce que je vois pas pourquoi Adrien dirait Phil de Nice. Ouais. Tu vois, moi, j'ai envie de dire Bite de Nice. C'est Phil de Nice. Bah oui. Alors peut-être que Brice d'Anus existe. Hein. Ah, des ouais. fois, il y a plusieurs parodies. Et peut-être c'est pas une parodie, c'est juste un film qui s'appelle comme ça. ouais. Avant, qui est sorti avant. Ouais, qui a peut-être inspiré du jardin, ouais, même. Enfin, peut-être. On sait pas. Ouh là là, attention. C'est comme Le Roi Léo et Le Roi Lion, quoi. Bien on est, sûr, sur, un, voilà, on est sur un plagiat. C'est tabien tout ce qu'on dit là. C'est très tabien. je vous le dis en un mot comme un son. Bon, voilà. Enfin, voilà. alors. Koh-Lanta. Oui. Est-ce que c'est tout bonnement Q-Lanta? Oh, non, non, on en rêve. Que Lanta, en Q-Lanta, ou aucun des trois? Bah, Q-Lanta, hein. Que Lanta, ouais. Que, ah, que Lanta, toi. Ah, moi, toi, je dis que. Moi, c'est la Q, moi. Que Lanta, ouais. Aucun des trois. Oh, non. Ça n'existe pas. Il n'y a pas. Alors, peut-être depuis, ils ont fait une parodie porno, mais pour l'instant, non. Couille Lanta aussi. Il y a, ah, aussi, oui. Ça me fait penser qu'il y a une boîte de prod porno qui a produit une télé-réalité porno. Et qui s'appelle La Française des Queues. Oh, pas mal. Ah, ça fait penser, ça mais fait je penser. Crois que je l'ai vu dans un porno. Eh ben voilà. En intro, La Française des Queues, comme ça. Ouais, bien, sûr. Bien sûr. Alors, ça n'arrive pas qu'aux autres. La Vérité si je mens. Ah oui, La Vérité si je bande, évidemment. La Vérité si je bande, exactement. Ah, évidemment. Ah ouais, c'est ça, ouais. On t'a tout niqué. La Vérité si je bande. On t'a tout niqué. Bah non, je vous dis, il y a La Vérité si tu bandes. Ah. La Vérité si je branle. Ah. La Vérité si tu m'encules. Ou aucun des trois. La vérité si tu. Mais c'est vrai, je pensais que c'était la vérité si je bande. La vérité si je branle, du coup. La vérité si je branle. Mais branle, c'est pas trop dans les titres de porno. Ouais. La vérité si tu bandes. Non, ça colle pas ça. Ouais, mais ils sont pas très bons des fois. Ouais, c'est vrai. La vérité si tu bandes. Allez, vas-y, je parle là-dessus, moi. Ouais, moi aussi. La vérité si je branle. C'est la vérité si tu bandes. Ah, voilà. Bah, c'est en tout cas, c'était. Bah, des fois, c'est nul. Pourquoi c'est pas la vérité si je bande? Mais c'est pour ça que c'est un bon quiz. C'est parce que les jours sont nuls pour trouver les titres parfois. Qu'est-ce que je. Scène de ménage. Ah. Baise de ménage. C'est avec les vrais acteurs de scène de ménage. Ouais. C'est avec Huguette. Baise de ménage. Scène d'enculage. Ouais. Le sexe me met en âge. Oh là là. Adrien, enfin. Peu de mystère sur le fait que c'est moi qui ai trouvé celle-là. Ou alors aucun des trois. Un peu de tenue, Adrien, s'il te plaît. Pour la beauté du geste, le 3. Le sexe me met en âge. Le sexe me met en âge. Le 1. Baisse de ménage, non? Ouais, baisse de ménage. De ménage. Non, aucun des 3. Oh non, stop. T'as vu, ils vont pas dans les programmes pas, courts. Hélas, mais ils oui. Ils vont pas dans les programmes courts. Allez-y, allez-y. Allez-y, il y a allez-y, tout à marché. Il y en a 15 en tout. On arrive au bout. Ouais. Eh, on arrive au bout. Ouais, le bout. Quai des orfèvres. Que des orfèvres. Évidemment. Que des orfèvres, ouais. Effectivement. Quai des bonnes baises. Ah, c'est bien ça. Il y a plus rien. Quai des orfèvres du cul. Oh là là. Ou aucun des trois. Quai des bonnes baises. Moi je ferais sur quai des bonnes baises aussi. Ouais, quai des bonnes baises, mais je pense qu'il y a rien. Alors attends, quai des bonnes baises, quai des bonnes baises, UB, rien. C'est rien, y en ah, a, ça putain. N'existe pas. Mais là, les vieux films, en fait, c'est vrai que c'est ridicule. Mais non, mais quai des orfèvres, il y a eu un. Il y a 36 Dieu, après, mais là ça fait directement 36 queues des orfèvres, ça fait beaucoup de queues. Ouais, c'est mal ça. La grande vadrouille. La grande cramouille, le gland vadrouille, la grande partouze ou aucun des trois. Ah, le gland vadrouille, parce que j'aime bien. Aucun des trois. Non, aucun. Aucun des trois, effectivement. Ah putain. Hélas, hélas. Faire le gland vadrouille. Le gland vadrouille. Le floodcast. Alors, un dîner presque parfait. Ah si, ça, je l'ai même vu, je vais vous dire. Ah bon? Ouais. Mais non. Si, c'est avec Lisa Del Sierra, je me souviens. Oh, waouh. Très très calé. Oh. Écoutez-moi bien, je suis père de famille, je reste féru de porno. Ouais, plus calé. En plus, il a plein de serviettes dans les mains. Le un, château bon de un bon branleur. Le château de ma mère, il a fallu googler là. Il avait le casque, il avait tout là. Hein. 2004, je crois. Regarde la photo. Un plan cul presque parfait. Ouais, c'est celui-là, je crois. Une pinée presque parfaite. Des nichons presque pas refaits. Oh, Adrien. Oui. Ou aucun des trois. Non, bah, le 1. Je vais suivre le spécialiste. Bah, c'est un plan cul. Faites-moi confiance. Parce que parfait. Suivez-moi jusqu'à la fin. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, c'est ça. Oui, oh, oui, oui, oui, oui, oui. C'est un plan cul presque parfait. Mais alors, toi, tu l'as vu dans ta gueule, Samuel Etienne. Toi qui l'as vu, à quel point c'est un remake, il note après les baises et tout. Non, non, non, j'ai pas vu en entier. J'ai, ah juste, oui, vu, j'ai juste vu, écoute. J'ai juste branlé 5 minutes. Non, non, je l'ai même pas vu, je veux dire la vérité. J'ai tapé Lisa Del Sierra. La vérité, tu mens, non, bien sûr. Bien sûr. qui était une Axe Reeves dont j'adorais le travail. Et dans les. Quand tu pornobises, du coup, son nom, oui. Ça faisait partie des propositions. Voilà. Vous avez déjà vu un porno en entier? Non, jamais. Moi, oui. Wow. Il a regardé les yeux plongés dans les miens. Mais en fait, je vais faire une roco très. Une roco Siffredi, du coup. Non, oh oui. Putain. Non, mais je vais faire une roco très ancienne, mais il y a un très bon sketch de Pierre Palmade là-dessus, sur les films de cul. Sur comment sur eh bah oui, bah j'ai lancé le nom. Comment j'y vais que un film pornographique. D'accord, je vois pas pourquoi, mais d'accord. Non mais oui, Palmade a fait un très bon sketch sur les films porno. Justement, les gars qui regardent les films en entier en mode c'est un film normal. Non mais quoi. Parce qu'en fait, on était en tournée et j'étais dans le camion et je me faisais chier et j'ai dit personne n'a un film. Et il y avait juste un gars qui avait ça sur son ordi. J'ai regardé un porno en entier et c'était Pascal le grand frère Pinner. Oh mais non, il est dans la liste. Ouais. Alors il est. En fait, j'allais. Moi, juste genre, tu sais, sans masturber, juste regardais. C'est assez horrible. Mais est-ce que c'est comme dans Pascal le grand frère qui dit. Ta mère, elle se bat ta mère. Bon, ouais. Si tu peux éviter de parler de ma mère pendant que. Non, mais, vraiment, c'est terrible. C'est ça. C'est genre, il y a deux meufs qui s'embrouillent, ils sont là. Faites voir vos nichons. Comme ça. Enfin, j'ai envie de le voir. Il a l'air extrêmement pineur, ce grand frère. Ouais, ouais, ouais. Là, quand tu le dis, en tout cas, il y a peu de doute. Alors, 99 francs. Oui. Sachant que c'est orthographié 99F. Bien sûr. Ah. Donc. Ah, je vois où tu veux en venir. Donc, du coup, j'ai dit la réponse. Des gros. Des tétés. 99 glands. 99 fentes, 95 F ou alors aucun des trois. Bah 95 F peut-être. 99 glands, 99 fentes. C'est 95 F. Bah oui. À ne pas confondre avec Mission 95 C, qui est le titre français du film Role Models. Role Models avec très bon film avec Sean William Scott et Paul Rudd. Et Paul Rudd. Et oui, j'aime beaucoup cette comédie d'ailleurs. Très bon film. Allez, le dernier. Horrible titre français, très bon film. Ah ouais. Je crois que j'en ai 30 en tout, j'en ai sélectionné 15. Oui, non, bah ça va aller. C'est bien là. Un gars, une fille. Ah, est-ce qu'on va enfin briser le cercle des programmes courts qui ne sont jamais adaptés en porno? On l'espère. Une fille, une fille. Bah ouais, en plus, là, 12 ouais. Gars, une fille. Ah, bien sûr. Oh, putain. Un gars. En colère en plus, les gars. Donc. Un gars, une bite. Oui. Un gars, un fist. Ah. Ou aucun des trois. Un gars, une quille. Moi, j'ai dit que ça existe et c'est 12 gars, une fille. 12 gars, une fille, c'est terrible comme film, mais d'accord. Un gars, une bite. Un gars, une bite. J'ai envie d'y aller. 12 gars, une fille. 12 gars, une fille, ça n'existe pas. Ah, désolé. Putain. Désolé. Pas de désolé. Court, pas de court, en nom de film porno. Là, c'est ma petite passion. C'est pour ça qu'il y en a tellement, c'est que j'ai pas su m'arrêter. Il y en a vraiment beaucoup. Le bureau des salopes. Et là, j'aimais bien quand j'étais. Gros budget en plus, parce que ça passait vraiment sur un bateau. C'était Tata Nick. La tante qui nique. Il y avait d'ailleurs, il y avait aussi 20 000 vieux sous mes mères. Ouais, fou ça. Mais putain, il y en a d'autres qui sont tellement bien. Mais bon, on sera pour un prochain podcast. Mais surtout qu'on avait fait un jeu déjà avec JB à l'époque, on en avait dit quelques-uns. Ouais, avec Mélo Coco entre autres. Et Babor. Parce que justement, Babor avait réalisé un porno et donc c'était venu. Vous l'avez vu le porno de Babor? Oui. Je l'ai pas vu en entier du coup. Moi j'ai juste vu les scènes pas de alors, cul. C'est bien. Ouais, c'est bien, oui. Ouais, c'est fait. La lumière est top. Moi je suis chers amis, j'ai dit aux auditeurs que vous étiez invités, alors ça leur a donné des petites idées de questions. Des questions tabziennes. Alors, pas elles sont pas toutes tabziennes, mais par exemple, question pour tout le monde, est-ce qu'autour de la table vous auriez. Un film de chevet. Voilà. Parce qu'on parle des films préférés. Ah, c'est toujours pareil. C'est toujours difficile. Ça change un peu tout le temps. En plus, alors c'est attends, ce que je dis. Oui, parce que Ah, c'est, mais c'est pas forcément film c'est préféré. Pas, c'est pas le film. Ouais, voilà, c'est ça. C'est film un peu réconfort, le... comme tu disais dans une et story. Film un peu doudou, film. Peut-être même. Ah. Tu vois. JB, j'imagine, t'as une petite réponse quand même. Il y en a plusieurs. T'as fait un bouquin où t'en parles de sang. Donc y en ouais, a non, un non, petit, mais, non, mais en vrai, Adrien a raison. C'est quoi? C'est le film qu'on a le plus vu dans sa vie? Le film que tu vois? Faisons tout. Quoi, à ton oui. film. Non, mais un moi, film, y a Little, un film réconfort. Voilà. Little Miss Sunshine, par exemple, moi, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois, souvent, et que à chaque fois, je suis content. Un film réconfort, bien. Ouais. Dans ce genre-là, j'ai envie de dire Big de Penny Marshall avec Tom Hanks. C'est un film que je fais exprès de pas voir pendant plusieurs années pour le, tu vois, le reconsommer avec plaisir. Et le titre porno d'ailleurs, Beat. Ouais, moi j'avais Big Cock, j'avais Big Cock aussi. J'étais simplement sur Beat. C'est vrai, moi je dirais Willow. Pour une fois. Ah, j'aurais pensé Retour à le futur. Alors... Ouais, mais Retour à le futur, c'est, je le dis tout le temps, mais c'est vrai que Willow, ça fait toujours plaisir. Ouais. Alors, eh bien écoute, je derrière cette image de geek que j'offre, je n'ai jamais vu Willow. Ah ouais. Ouais, ouais, faudrait que je le masse. Et ben, j'ai vu qu'il pas était sûr sur... que. Il pas était sûr que tu kiffes maintenant. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais. Parce que moi, j'avais avec un pote, donc on avait vu Willow quand on était enfant, donc c'est un peu mythique. Mm. Et chacun d'entre nous avait dit à notre meuf de l'époque, putain, mais faut trop que tu vois Willow et tout machin. Du coup, c'était fait une soirée. Alors, vous l'aviez avec... jamais vu. Hein? Alors, vous l'aviez jamais si, vu. Si, on l'avait vu. Ah oui, d'accord. Nos deux meufs n'avaient pas vu. Ça c'est difficile. Et du coup, à force d'en parler, on s'est dit, bon, bah allez, on se fait une soirée, puis on se regarde Willow. Elles ont détesté. Ah ouais. Parce qu'en fait, bah, quand tu l'as pas vu gosse, c'est de la merde, quoi. Enfin, c'est vieux, c'est pas au niveau des standards de films fantastiques. Mais toi qui l'as revu, t'as toujours autant aimé. Peut-être pas quand même. Ouais, ouais. Tu le revois, tu fais. Bon, ok, je comprends. Oui. Parce que quand tu le revois avec quelqu'un, tu te mets un peu à la place de la personne. Ouais, mais c'est chiant du coup, tu vois. Oui, oui, oui. C'est comme voir un film avec quelqu'un, tu conseilles un film avec quelqu'un, et la personne elle est sur son téléphone, t'es là genre. C'est un peu moi, c'est interdiction. Ouais, ouais, voilà. C'est relou. Mais moi j'ai. Interdiction, ça va. Interdiction. Je te vire chez moi. moi, film un peu réconfort, à chaque fois qu'il me fait du bien, c'est Une journée en enfer, dis-toi. D'ailleurs, 3 me fait toujours du bien. Une journée. Même la série L'arme fatale, quoi. Ouais, j'ai moins grandi avec L'arme fatale. Une journée en enfer, moi, il y a un truc avec Bruce Willis qui était vraiment. Une journée en enfer, je l'avais vu au cinéma quand j'étais, ado. Ouais. Et je t'es vlavieux. Ah ouais, grave. Non, et je me souviens que, alors pour ceux qui l'ont vu, c'est pas vraiment un spoil, mais le générique de début, c'est une musique incroyable, générique de début. Et d'un coup, il y a une explosion, mais on s'y attend pas parce qu'on se dit c'est le générique de début. Et je me souviens, ça m'avait marqué quand j'étais au cinéma. Mais c'est pas, oui, c'est Summer in the City. Exactement. Des Loving Spoonful. Ouais, c'est ça. Wow. Mais parce que moi, je l'ai rematé récemment et c'est vraiment doudou. J'ai été vite fait hospitalisé pour mon pied et quand je suis rentré le soir même, derrière 3, et ça m'a fait. Trop kiffé. Je suis trop content. Il ne vieillit pas. J'aime le regarder ce soir. Les films doudou, c'est un peu les films d'action à l'ancienne aussi. Moi, en tout cas, c'est vrai que j'ai un peu ce truc-là. Genre, tu sais, j'aime bien me taper un vieux Van Damme. Tu vois. Oh là là, Chasse à l'homme, qui est pour moi mon préféré. Ben oui, mon préféré, Chasse à l'homme, c'est Chasse à l'homme. Tu sais que tu vas passer un bon moment, tu sais où tu vas. Franchement, Chasse à l'homme, il est vraiment bien. Ouais, bah, il est debout sur une moto. Il est debout sur une moto. Il y a des bonnes vannes à la con. Chasse à l'homme, super. Il a la meilleure coupe qu'il a jamais eue. Et puis il est avec le vieux, il y a des bonnes vannes. Chasse à l'homme, c'est génial. Mais film doudou pour moi, c'est un flic à la maternelle. Mais je sais. Du coup, je l'ai regardé quand j'ai vu que tu parlais de ça. Ah, et alors, tu l'as vu? Tu l'avais jamais vu? Si, je l'avais déjà vu, mais je me dis, allez, je le regarde. Il a peut-être un peu vieilli celui-là, non? Ça va. On parlait de montrer des films à des gens et un peu déçu des réactions. Moi, quand j'avais montré, ma meuf avait jamais vu Piège de cristal, donc le premier Die Hard, et je lui ai montré. Et le problème, c'est que vu que c'est des films qui ont été un peu des pierres angulaires de tout ce qu'il y a eu après, ils perdent en valeur, tu vois. Mais vraiment comme un, tu le montres comme un mec qui montre une pièce dans un musée, quoi. Tu dis oui, mais c'est le premier, tu vois. Et elle était genre ouais, mais du coup, on sait comment ça va finir. C'est tout, ouais. C'est un peu cousu de fil blanc. Tu fais oui, mais à l'époque, justement, c'est eux qui ont tout créé, oui, tout ça. Le côté et... anti-héros, machin. Je crois exactement. Parce qu'en fait, le truc, c'est que maintenant, on dit bah c'est un héros, en fait. Ouais, c'est ça. Sauf exactement. Qu'à l'époque, on disait oui, mais aucun héros n'était comme ça avant, quoi. Aussi genre mec lambda un peu, quoi. Non, mais maintenant, c'est tous les héros, en fait. Et tu vois, mais même le fait qu'il y ait une scène d'action toutes les 5 minutes. Maintenant, tu fais oui, bah c'est tous les films, mais tu fais bah à l'époque, ça s'arrêtait jamais, quoi. Mais surtout aussi, tu sais, je l'ai vécu en direct ce truc parce que j'avais fait un truc avec Prime Video où en gros c'était un, comment on appelle ça, un watch, quand tu regardes en même temps que les gens sur Twitch, live Twitch, enfin non pas live Twitch, un peu oui ça watch, ouais, party. Watch party, watch party, exactement. Et donc j'avais fait ça et en fait c'était avec plusieurs personnes en plateau qui avaient jamais vu Piège de cristal, ouais. D'accord. Et je les sentais vraiment déçus, tu sais, ça se voyait qu'ils s'emmerdaient pendant le film, quoi. Ah merde. Et j'étais là genre ah. Tu vois, c'est quand je même trouve que ça, c'est le sentiment où quand tu déçois quelqu'un par un film, c'est encore pire qu'une comédie, quoi. Tu sais, quand t'es là attends, on va regarder encore Man, tu vas voir, c'est trop marrant. Ouais. Et que si t'as pas de barre et que ça fait un peu chier et tout, t'es là. Ah, ah putain, ça nous a fait ça avec Dumb and Number, qui est moi un de mes films où je pleure rien. Et même moi, quand j'ai rematé, j'ai plus senti le rythme, quoi. Où au bout d'une heure, je fais eh, c'est un peu long quand même. Mmh. C'est dur, hein, putain. C'est dur. De toute façon, la comédie, c'est méga ingrat parce que je trouve que c'est le genre qui vieillit le plus mal, quoi. Ouais. C'est à dire que tu vois, même les Monty Python, ouais, c'est génial, ouais, c'est machin, mais t'es pas genre Enfin, tu vois, c'était pas mort de rire devant sa chorale. Il y a un truc qui change, je trouve, c'est avec les comédies françaises, parce que les comédies françaises deviennent des chansons. Par exemple, Les Visiteurs ou alors Les Bronzés. Les répliques cultes deviennent des... Tu sais, c'est des chansons, quoi, en gros. Mais parce que c'est notre génération. Ouais, voilà. Est-ce que les gosses qui vont voir Les Visiteurs, ouais, ils vont clair. Comprendre que c'est vraiment gaulerie? Les Visiteurs, pareil, je l'ai rematé il y a pas très longtemps. Bah, franchement, film doudou de ouf aussi. Hein. Mais la première heure, enfin, jusqu'à ce que la bougie, la bague brûle sur les doigts, c'est... Vraiment, c'est en termes de rythme, c'est incroyable. C'est-à-dire ouais, que c'est vraiment, mais ça s'arrête pas, quoi. Et chaque scène est drôle, quoi. C'est vraiment Christian Clavier, c'est vraiment un de nos meilleurs scénaristes de comédie qu'on ait eu en France, parce que c'était lui qui écrivait quand même avec Jean-Marie Poiret, mais qui a écrit Les Visiteurs. Il écrivait toutes ses comédies quasiment Clavier à une époque. Ouais. Bah sur le Père Noël est une ordure avec le Splendide. Papy fait de la résistance. Michel Blanc, il écrivait beaucoup. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mmh. Oui, mais c'est pas les mêmes succès. Clavier, par exemple, il a ce truc qui est quand même complètement ouf, c'est que tous les 10 ans. Il a un des films qui a le plus marché de sa décennie ouais. au box-office. C'est-à-dire que t'as Les Visiteurs en 90, Mission Cléopâtre dans les années 2000 et bah, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu dans les années 2010 quoi. Plus Les Bronzés, tout ça et tout. Donc c'est quand même fou. Sur... Franchement, même les Américains, les Jim Carrey et trucs comme ça, ils ont pas des perfs aussi fat. Ouais, c'est vrai. C'est que j'avais vu une interview dans Tierfond sur YouTube des Lina, je crois, c'est Tout le monde en parle. Ouais. De Tout le monde en parle. Et il y avait le fils de Louis de Funès qui était invité. Et il était hyper vénère sur le plateau parce qu'il disait ouais Clavier je le déteste, il a tout volé à mon père dans la façon de jouer. Oui. Je trouve pas trop. Ouais, je sais pas. En fait, c'est l'archétype qu'il a repris du petit mec de droite énervé, faible avec les, puissant avec les faibles, mais et faible avec les puissants. Dans la façon de jouer, dans la façon de parler, je trouve pas trop qu'il a copié Louis de Funès. Mais dans l'archétype de comédie, je vois ce qu'il veut dire parce que c'est vrai qu'il représente, mais parce qu'il représente le petit français de droite en fait. Oui. Mais c'était ce petit gars énervé de. Mais c'est, moi c'est ça avec Jacouille, tout le monde était à fond sur Jacouille, alors que moi dans Les Visiteurs c'est Jacquard qui est le personnage complètement ouf quoi. Mais Jacquard il est vraiment trop marrant alors que oui, Jacouille il est un peu que, souvent, oui mais je pense que quand t'es gosse ah bah c'est Jacouille, Jacouille te fait marrer et les adultes c'est là où c'est malin quoi, c'est que, bah, y a le côté un peu social mec de droite un peu bourgeois qui te fait rire et puis Jacouille c'est et puis ça te fait rire. Mais vu qu'on est tous dans la trentaine, moi j'ai vraiment des souvenirs d'enfance. Non mais j'ai des vrais souvenirs d'enfance où en gros il y avait une vanne où tu sais tu mettais du Nutella sur tous les enfants de cette génération sur tes dents. Ça. Ouais, le Nutella sur les dents et de faire OK et tout machin. Ah, bien sûr. Mais même de hurler les crunch ou les trucs parce que moi j'ai vu le 2. Moi j'ai vu le 2 en salle les amis avec Muriel Robin. Mais pareil, je l'ai vu. Et de hurler. On se tapait des barres. Et on se tapait des barres, mais le 2 au cinéma c'était ouf. Ouais, et quand je l'ai rematé, c'est vrai que le rythme c'est incroyable. Les plans ne durent pas plus de Les Anges Gardiens les gars, je vous invite à remater Les Anges Gardiens. J'ai l'impression qu'on en parle tous les podcasts, mais le rythme des Anges Gardiens, c'est incroyable. C'est-à-dire que, enfin, c'est incroyable en quel point c'est trop. C'est vraiment du Michael Bay. Les plans durent pas plus de 3 secondes. Est-ce que c'est top 3 des films les plus drôles français? Les Anges Gardiens? Non, Les Visiteurs. Bah, franchement, en tout cas, moi je sais que c'est, maintenant que je suis papa, c'est un film où je vais très stressé de le montrer à ma fille parce que pour moi c'est vraiment très marrant et tu peux le voir assez jeune. Et j'espère que ça va marcher quoi. Je crois que j'avais déjà raconté mon anecdote sur Les Anges Gardiens et la mort, mais c'était pas sur vos Floodcast. Mais en fait. Quel bon titre par contre, Les Anges Gardiens et la mort. Les Anges Gardiens et la mort. Non mais en gros, Les Anges Gardiens passaient sur TF1 pour la première fois, je devais avoir, je sais pas, 12 ans, un truc comme ça. Je regarde Les Anges Gardiens et d'un coup j'entends la voisine crier. C'était son mec qui était mort, il revenait d'un footing et il est mort devant chez moi. Oh. Et du coup maintenant j'associe Les Anges Gardiens. J'ai cassé l'ambiance. Non, ça va. Ouais, non, c'est bien. Tranquille. Non, et du coup maintenant j'associe Les Anges Gardiens à ça. Voilà. Difficile de pas casser l'ambiance avec ça. Mais bah oui. Non, mais je m'étais dit, que ça aurait pu vous intéresser. J'ai envie de dire, tu t'attendais à quoi en fait? Si seulement il avait eu un ange gardien justement. Ah bah oui. Ah bien voilà, joué. Personne n'a cité le dîner de con. Je suis assez déçu parce que c'est un de mes films préférés. Calme-toi, on n'avait pas fini de parler. Je pense que les Bronzés, c'est bon. Si c'était évoqué, c'est bon. Je pense que Les Bronzés font du ski, ça arrive. Ah oui, pour moi, c'est sûr. C'est le 1. Et pour moi, Les Bronzés font du ski. Au-dessus des Bronzés. Oui, non, mais c'est surtout, je trouve que ça a bien vieilli. C'est je le numéro que... uno dans le calcio pour faire une référence de rap. Non, le numéro uno, c'est la Cité de la Peur, non? De quoi? La Cité de la Peur, je pense, va moins bien vieillir, par exemple. Moi, j'adore, hein, ça me fait encore hurler de rire, mais c'est pas la même comédie en fait. Ouais, mais Les Bronzés font du ski, c'est vraiment. Genre... Oui, mais parce que les Bronzés font du ski, il y a. Bah, c'est ça, ça repose pas sur des codes de comédie en fait. Ouais, voilà, c'est juste ça. Du dialogue et des situations. C'est ça. Donc du coup, ça vieillit pas en fait. Et d'ailleurs, ce qui vieillit le mieux dans Les Visiteurs, c'est ça aussi. C'est les trucs de. C'est vrai que moi, mon acteur. Enfin, et d'ailleurs, ça a été un de mes plus beaux moments de jeune réalisateur. C'est quand j'ai dirigé Christian Bugeaud. Qui joue le dentiste dans Les Visiteurs, j'ai eu la chance de. Et le maître d'armes dans Kaamelott. Et je l'avais dirigé dans un sketch qu'avait écrit Justine Le Potier. Et par exemple, Christian Bugeaud dans Les Visiteurs, mais il est à pleurer de rire. C'est drôle. C'est lui qui a les meilleures répliques dans. Il patauge dans la cuvette des chiottes, des trucs comme ça. C'est lui. Et ça, pour le coup, en jeu, c'est vrai que ça vieillit pas, quoi. Quand tu le remates, le rythme, il est au cordeau, quoi. Mais même, tu disais, Adrien, dans Les Bronzés font du ski, il y a des vannes qui, pour une façon, marchaient en 3232. Tu vois, des blagues comme. qu'est-ce qui t'empêche de me frapper, la peur peut-être, bah, c'est, ouais. Ça marchera toujours ça en fait. Ouais. Mais ça je me pose la question. C'est pas ce qui me retient de te péter la gueule, ouais, la peur. Ouais, voilà, ouais, ça, ouais. Ça, ouais. Mais je me demande si dans les générations d'ailleurs, ils font ouais c'est un peu trop écrit. Enfin tu vois les trucs évoluent tellement, c'est ouais, vraiment. Ouais. Mais je serais curieux de voir, j'espère pas. Mais en même temps je me dis moi les bronzés font du ski déjà en vrai de vrai c'est pas ma génération normalement c'est plutôt la génération de mes parents c'est sorti ouais, en quoi ouais, en 78 80 ouais, un ouais, truc ouais. Comme ça tu vois et quand même ça m'a marqué de ouf comme Rabbi Jacob bah, ça comme passe ces tellement films à la télé. Je me souviens dans We Love TFTC un jour on avait fait je leur avais fait un jeu en gros fallait deviner les films qui étaient le plus passés à la télévision ouais. Et oh. Les bronzés font du ski étaient premiers mais avec un nombre de, ah, de oui. Passages incroyables mais c'est vrai que de ma génération enfin la nôtre en vrai mais ma génération pure de films que j'ai vu vraiment jeune et qui équivaut à ma génération à part Mission Cléopâtre qui est sorti en 2002 donc moi j'avais 11 ans attends oui 11 ans il n'y a pas beaucoup de films en fait c'est souvent des films de VHS de machin et après des trucs ricains mais en français pur moi j'ai pas mille comédies et Kaamelott quoi enfin c'est des ça où ça se trouve ailleurs c'est quoi la dernière grande comédie française Brise de Nice moi ça avait marqué les cours de récré quand même mais la les dernière... gens faisaient j'étais cassé oui, comme ça, moi, je, oui, ça, moi ça... qui étais animateur de centre de loisirs à l'époque ouais, ouais, ouais. Vraiment c'est j'étais cassé j'en non. Pouvais plus quoi énorme phénomène et puis les OSS en vrai hein. Les les répliques d'OSS les le du 1 surtout et du 2 les gens les ressortent hein, quand même. Mais ouais je disais du coup la dernière grande comédie française c'est quoi intouchable à cause du nom de c'est pas vraiment une comédie c'est pas vraiment une comédie bah quand même les ch'tis quoi. Ouais. C'est ça la dernière grande comédie française. Non, il y a en fait des grandes comédies, il y en a souvent en fait. Moi je trouve ah, qu'en sinon France, on peut dire qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu aussi. Bah en fait c'est ça le ça dépend est-ce que c'est celle qu'on a bien aimé nous mais ou alors c'est ça, le dernier phénomène. On prend les chiffres les plébiscités. Ouais. Les gars, les tuches hein. Enfin le dernier phénomène ah ouais, de comédie vrai, qui ramène vrai. Beaucoup de gens, c'est des choses comme ça. C'est juste c'est peut-être un peu moins on est un peu moins la cible. Mais oui, c'est on a du mal à se dire que ça entre dans le top avec, ah, avec les tuches, cons, si. Les visiteurs. Si, si, ça. Parce que les tuches, tu parlais d'animateurs de centres de loisirs. Moi, je suis pas animateur de centres de loisirs, mais j'ai été en contact avec des gamins. Et les frites, ouais. Les machins, c'est les tuches. Il y en a hein, une qu'on oublie aussi, c'est Camping. C'est grave marché. Oh, ouais, mais Camping, c'est ma génération, gars. Camping je me souviens. Toutes les remarques de Franck Dubos qu'on n'attend pas Patrick et tout. Bien sûr. Tu vois, ça a marqué. Non, il y en a, mais il y en a 1000 en vrai. Il y en a 1000. Mais après, les gens qui disent dans la vie, on n'attend pas Patrick, est-ce qu'on a envie de passer du temps avec eux? Il y en a plus beaucoup, hein, franchement, ouais, je pense que. Bah, écoutez, en vrai, on n'a pas mille fois le temps de poser mille questions, mais on a eu un très beau débat sur la comédie française et c'est excellent. Oui. J'en place une pour la chaîne Calmos, d'ailleurs, qui fait souvent des très belles années. Il faudrait qu'on les invite, d'ailleurs. Ouais, on pourrait faire un truc sur la comédie française. Oh, viens, on fait ça. On fait un spécial comédie française et on se note. Oh, on va faire ça, ça va être excellent, on va se régaler. C'est marrant qu'ils disent non pour l'invitation, du coup. Non, merci. Non, on voulait en venir, mais non. Chers amis, une recommandation culturelle. Est-ce que chacun récemment, il y a quelque chose que vous avez aimé culturellement et que vous avez envie de partager? Alors ça peut être, on parlait de cinéma depuis tout à l'heure, mais ça peut être aussi de la musique. Ça peut être une exposition dans un musée. Ça peut être, ça peut être un bouquin, peut-être le livre. Un enfant qui pleure, c'est un enfant qui crie. J'ai oublié. Leur silence est un cri. Leur silence est un cri. Ouais, évidemment. Une marque de Bombec, ce que vous voulez. Je t'en prie, Guillaume, une recommandation. Une expo qui aura lieu jusqu'en juillet, si vous êtes fan comme moi de Jean Gabin. Eh oui. Ah. Je suis allé voir l'expo Jean Gabin à Boulogne-Billancourt. Bah Adrien, tu l'imites vachement bien, je crois. Ah, timide Jean Gabin. C'est Aznavour. Mais c'est Aznavour. Non, non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis Jean Gabin. Oh, une bonne chose. J'ai la bite qui me gratte. Oh putain. Non, c'est Jean. Non, c'est Jean Gabin. Alors Jean Gabin, on savait pas, il avait la bite qui le grattait. Ouais, mais ça, ils le disent dans l'expo. C'est dans l'expo. C'est dans l'expo. Ça s'ouvre là-dessus. Il y a un moulage de sa bite. Ça spoilait l'expo, mais. Non mais elle est charmée parce que c'était genre son fils qui l'a fait et il y a tous les trucs de sa famille, il y a plein de props de films etc. Ah ça tue, mais ouais. C'est à la Cinémathèque ou pas du tout? Pas du tout, c'est à la, je sais pas comment c'est à Boulogne-Billancourt, tapez exposition Jean Gabin Boulogne-Billancourt, c'est dans une personne médiathèque. Personne n'ira à Boulogne, t'inquiète. Mais moi j'y suis allé exprès figurez-vous. Et c'est charmé, il y a genre, bah voilà, si vous kiffez trop ça, bien. Allez-y. Alors moi je connais assez peu Jean Gabin, pour être honnête. Qu'est-ce que j'ai juste vu bah, les classicos, le singe et l'assassin. L'assassin en hiver, voilà, et tout ça. Les tontons flingueurs et tout. Mais non, mais en vrai, tu conseilles quel film, toi, de Jean Gabin pour découvrir. Bah, figure-toi qu'il y en a. Un singe en hiver, moi j'ai trouvé ça vachement bien. Moi j'adore Un singe en hiver, je trouve ça exceptionnel. Mais il y en a à peu près, dans les films, les apparitions et tous les trucs où il a commencé, etc., il y en a à peu près 80, tu vois. Ouais. Mais j'en ai vu, là je me fais la liste de tous ceux que j'ai vu, j'arrive à la vingtaine là. Ouais. Et je conseillerais un des, que j'en ai déjà parlé dans Will of TFTC, un qui m'a grave marqué, c'était Le Chat. Ah. Avec Simone Signoret, qui est incroyable. Et du coup je l'ai vu après ton reco et j'ai adoré. C'est incroyable ce film, il est trop bien. Et ben moi je vous conseille La Grande Illusion. C'est un film, de guerre de Jean Renoir. J'ai eu la chance de le voir au cinéma parce que bah, c'est ça qui est cool à Paris, et même c'est aussi dans les grandes villes de France. Mais ils diffusent des vieux grand films. Classique. Et au cinéma. Et c'est vrai que notre génération a envie d'aller sur le téléphone et d'aller machin. D'être au ciné, c'est quand même le meilleur truc pour voir des vieux films, je trouve. Et ouais, la grande illusion, j'ai pris une énorme claque parce que c'est vraiment un film de guerre de 1937, donc qui parle de la Première Guerre mondiale. Ouais. Mais c'est ouf l'écho que ça a sur la Seconde Guerre mondiale aussi. Et la tension, quoi. Enfin, on dit que la comédie, ça vieillit mal, mais la tension du thriller, ça peut aussi vieillir. Même des très bons Hitchcock, tu vois un peu les ficelles maintenant. Et La Grande Illusion, franchement, j'étais en stress, quoi. Enfin, c'est un très grand film de Jean Renoir. Donc voilà, je saute sur ton nom, ouais, sur ta reco. Il y en a plein, mais La Grande Illusion, c'est vrai que ça m'avait mis une claquasse. J'ai une reco, du coup. Alors, je t'en supplie. Ouais, une reco. En fait, c'est un album que j'ai découvert il y a quelques semaines. Ouais. C'est un type des années. Je crois qu'il est sorti dans les années 70-80. C'est un type qui s'appelle Ernest Hood. Et une chanson qui s'appelle At the Store en particulier. Est-ce que tu auras la flemme de mettre un extrait de At the Store? Ah, mais je mets pas d'extrait, moi. Je mets pas d'extrait musicaux parce que je sais pas comment va évoluer le podcast. Et donc, du coup, j'ai peur que les trucs avec Strike avec la musique. Et la pochette est extraordinairement belle, très réconfortante, la pochette. Ouais. Et donc, je vous conseille l'album de Ernest Hood et la chanson At the Store. At the Storm, très bien. Voilà. Moi, je vais vous parler cinéma. Je vais conseiller deux films, même en vrai trois films, mais je vais aller très vite. Parce qu'en salle, en ce moment, il y a deux films français très cool. Il y a En même temps, de Delépine et Carverne, avec Jonathan Cohen et Vincent McCain. Et c'est un film très marrant. Alors, il y a plein de gens qui sont venus dans le Floodcast. Bah, il y a Jonathan Cohen, évidemment, mais il y a aussi Thomas VDB, il y a Douli. Alors, il y a aussi d'autres gens très marrants comme François Damiens, etc. Mais voilà, j'ai passé un très bon moment et donc j'ai kiffé. Le film de Cédric Lapiche, encore. Alors le titre me paraissait, parce que c'est un jeu de mots et tout, je me disais, ah tiens, un peu particulier. Et en vrai, j'ai adoré. Sur la danse, exactement. C'est une danseuse classique qui se blesse et qui va devoir se réinventer un petit peu. Et j'ai passé un super moment. Moi, j'adore les films de Cédric Lapiche. Putain, je crois qu'on en parlait dans le dernier Floodcast, mais de ces films de... C'est Tarantino qui parle de ça pour parler des films de Richard Linklater. Je sais, c'est Tarantino qui parle de Clapiche en disant que... Bon, il aurait pu, il est tellement calé. Mais non, il parle des films avec lesquels... c'est des films où t'es bien traîné avec les personnages. Et il dit ça sur les films de Richard Linklater. Il dit c'est des films où en fait ils sont cool à réaliser, que tu traînes avec les personnages, même s'il n'y a pas spécialement d'histoire et tout. Et ben, en même temps, je trouve que c'est ça. Tu traînes avec des persos, je trouve vraiment chouette. Et il y a des acteurs géniaux. La nana dont je vais retrouver le nom, excusez-moi, parce qu'en fait c'est pas une actrice, c'est d'abord une danseuse. C'est une danseuse, ouais. Non, j'ai regardé une interview la dernière fois de ça, mais surtout la dernière fois je Marion sur Marion Barbeau, excusez-moi, mais il y a aussi Pio Marmaille, Denis Podalydès qui est vraiment le sang de la veine. J'adore Denis Podalydès. François Civil qui est très marrant. François Civil, oui, Muriel aussi. Robin, voilà. Il y a un autre film de Clapiche avec François Civil qui s'appelle Deux mois, là. Je sais pas si tu l'as. Ouais, je l'ai vu aussi. J'ai regardé un peu la dernière fois, bon, je l'ai pas fini. Ouais, c'était pas trop ton délire. Il y a une nana aussi qui est extrêmement forte dans encore, qui s'appelle Souheila Yacoub, qui était dans Climax aussi de mère de Gaspard Noé, et qui est extrêmement drôle dans le film. Et en fait, moi, Clapiche, il arrive toujours à me choper avec des petites scènes. Voilà, à un moment, c'est juste une scène très conne, je vous la spoil pas plus que ça, mais où Pio Marmaille, en gros, veut faire marrer ses potes derrière une vitre, et genre, il est trop marrant, et j'adore ces trucs-là, quoi. Il y a Muriel Robin qui est excellente aussi dans le film, parce qu'on voit jamais Muriel Robin au cinéma, c'est une très grande actrice. Qui a un Golden Globes, hein, rappelons-le quand même. Hein. Muriel Robin, elle a un Golden Globes, elle est de la meilleure actrice étrangère. Pour son rôle de Jacqueline Sauvage. Exactement. Et putain, je savais pas ça. Si, et elle avait fait un truc très drôle, c'est Pierre Palmade qui avait écrit son discours, et elle dit, en gros, elle ouvre son discours en disant, donc en anglais, mais elle dit, j'avais tellement pas prévu de gagner que j'ai prévu un discours de perdante, donc désolé. Ouais. Donc elle dit, elle commence à faire. Donc évidemment, je suis très déçu. Et donc toute la salle est morte de rire. En anglais. Et t'as toute la salle qui est morte de rire. Putain, devant les vannes de Muriel Robin. C'était pas longtemps. C'est début 2000, je pense. Ouais, un peu quand comme même, ça. Jacqueline Sauvage, ouais. Ouais, c'était son. C'est un téléfilm. Ouais, c'était un téléfilm qui avait cartonné. Putain, un Golden Globe. Hein. Ouais. Donc voilà, encore de Cédric Lapiche. Et en même temps. De Carverne Delépine. De toute façon, Carverne Delépine, moi je suis toujours content. Mais pareil, en fait, même quand c'est des films un peu moins, qui sont moins des succès et tout, moi j'adore leur univers et donc j'y suis bien. Leur premier en fait, en noir et blanc. Altra. T'avais bien aimé celui-là ? Ah, moi j'avais adoré Altra. C'est un de mes préfs, Altra. Il m'avait perdu un peu. Ah, moi Altra, j'avais adoré. Et je crois qu'un de mes préfs, je pense, c'est Louise Michel. Okay. Et Le Grand Soir avec Dupontel et Pauvord en frère punk, ça c'est vraiment. Ouais. Si vous voulez commencer Carverne Delépine, je vous conseille vraiment Le Grand Soir. Ouais, à fond. Et parce que même Mammouth, qui est leur plus connu, il est un peu du rose des fois. Mammouth, faut s'accrocher. Le Grand Soir, je trouve que c'est leur plus facile d'accès et leur meilleur. Voilà, donc. C'était eux aussi le film avec non. rien à voir avec Houellebecq. Non, si, si, si. Alors, pas la. Il y en a eu plusieurs avec Houellebecq, donc pas la vie de Michel Houellebecq. Eux, ils avaient fait un film qui s'appelait Near Death Experience avec Michel Houellebecq. Mais Houellebecq, il est souvent en guest dans leur film. Il était dans Saint-Amour aussi. Donc voilà. Adrien ? Moi, c'est un petit truc. C'est un compte TikTok, encore une fois. C'est le nom, c'est Angenay. Je sais pas comment c'est. Enfin, c'est _ ange comme un ange, N-A-Y, tout attaché. C'est juste une meuf qui joue au basket, qui est trop forte au basket, qui fait des 2 contre 2 contre des mecs. Et donc les mecs pensent qu'ils vont l'éclater parce que c'est une meuf. Et en fait, elle est trop forte et elle éclate les gars. Et juste, elle filme. Bah, les mecs sont dégoûtés de se faire battre par une meuf. Et du coup, les mecs se la racontent au début. Et après, elle les éclate et elle les trash talk. Et les mecs sont hyper vexés. Bah, c'est un plaisir à regarder. La meuf, j'aimerais l'épouser. Voilà, tout simplement. Voilà, l'invitation est lancée. Bah, elle est américaine. Hein, elle est américaine. Donc, comme si elle était française, il y avait une chance. Non, voilà, mollo, les gars. Mollo. Non, mais très, très, très, très, très satisfaisant. Et puis voilà, un petit coup de basket, ça fait plaisir. Excellent. Dernier petit tour de table, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Donc tu lances une émission, alors pas tout seul, mais bientôt sur Twitch, Guigui. Je vais animer ça sur Twitch, sur le Twitch de... Bah, c'est Pias, en fait, c'est le label Pias qui lance sa chaîne Twitch, et c'est le premier label français qui lance Comment sa chaîne. Comment ça s'écrit, Pias? P-I-A-S, tout le label d'Amon Albarn, de plein d'artistes. Oh là là. Bien sûr. Et en partenariat avec la team Vitality, du coup. Génial. La team d'e-sport Vitality. Évidemment. Et du coup, c'est... La célèbre. C'est une émission musicale et gaming. Alors, je leur ai dit, évidemment, gaming, je vais repasser les plats parce que je connais rien. T'es fan de Sonic? Je connais Metroid aussi, c'est tout. Non, j'ai une référence. La GameCube. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est à partir du 20 avril. Et voilà, sinon, on me retrouve sur Insta. Insta, évidemment. Pour gueulerir. Et ça va revenir combien de fois, alors? Ça va être 2 fois par mois normalement. Pas mal. Ouais. Et t'as une personne du coup qui co-anime pour la partie gaming un peu? Je sais que le premier invité ce sera Sofiane Pamar, figurez-vous. Encore. C'est parce que je demandais, mais. Pour la partie gaming, ça devait être. Comment s'appelle-t-elle? Little Big Whale, mais pour l'instant. Ah là là. Elle sera pas là pour la première. Incertitude. Ah d'accord, ok. Incertitude. JB. Où est-ce qu'on peut te retrouver, la chaîne de toujours ouais, la chaîne. Devant un film, j'imagine. Oh, oh oui. S'il y a de la péloche, il doit pas être bien loin. Bah oui, la chaîne YouTube, Tales from the Click, et puis le podcast qu'on a avec Guillaume, We Love TFTC. Guillaume et Nemo. Nemo, voilà, exactement. Et puis. Et vous reprenez, vous avez fait une petite pause, et ça y est, là, c'est relancé. Ouais, il y a eu une petite pause de 3 mois. Ouais. Grosse pause, du vous coup. Vous avez fait ce qu'on appelle une floodcast, hein, dans le jargon. Ah, hein. Vous avez fait une grosse pause Avant, c'était entre les épisodes. Ouais. Trois mois, c'est entre chaque épisode. Exactement, on a fait une pause, et puis là, on est revenu avec un épisode avec Morgane Cadignan. Oui, très drôle. Sûr, que vous connaissez. Et puis voilà. Trop bien, trop bien. Et ton livre toujours en librairie? Et le livre toujours en librairie. Bien et sûr. Ils m'ont relancé apparemment pour. Ils aimeraient le faire en audio. Oh! Ordure. Ah, ça, c'est trop bien ça. Ouais, je me dis raconté par. Mais oui. Raconté par moi du coup. Ah, okay. Mais oui, mais bien sûr. Mais trop bien, fais-le. Et ouais, du coup, ça me tente bien. Raconté par la voix française de chaque film. Tu vois, alors, c'est l'arme fatale, c'est la voix française de Mel Gibson. Non. Prends l'argent. Il y a aussi des maillots de foot, non? Ah oui, aussi, oh, oui. Mais oui. Mais oui, alors si tu peux expliquer le maillot de foot. Le vendeur, mais oui, mais putain, on n'a pas parlé de ça. Oui, non, c'est vrai. En fait, récemment, donc moi, je suis né à Drancy dans le 93 et j'ai joué dans le club de Drancy qui s'appelle la Jeanne d'Arc de Drancy. Et récemment, je m'étais en rapport à la fête de l'extrême droite. Oui, voilà. Oui, en hommage. Ouais. Ah, bien sûr. Jeanne, au secours, vous criez ça quand vous gagnez. C'est un mème, ça. Oui, bien sûr. Ah, oui, non, mais oui, dans le vestiaire, on reprend ça. Là. et donc voilà, et je m'étais dit, ils vont jouer contre le Paris Saint-Germain, qui est mon club de cœur. Donc je me suis dit, ce serait pas mal d'être une chaîne YouTube comme ça qui sponsorise un club de foot. Et donc, je suis rentré en contact avec les dirigeants de Drancy. Et on a sponsorisé Drancy pour un match de foot contre le PSG. Et pas n'importe quel match. Exactement, et il y a eu 8-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Donc moi qui suis pas très calé en foot, c'est ce qu'on appelle une défaite. Une branlée. Oui, d'accord. Voilà. Okay, une branlée. Et voilà. Et en fait, il y aura un maillot de Drancy TFTC, donc je vais en vendre 93, et tous les fonds de ce maillot iront au club pour la jeunesse et les infrastructures là-bas. Génial. Trop bien. Et moi, j'ai vu les stories, vous êtes venu avec ton pote Mehdi, vous étiez avec des grandes vestes et des cigares, plus ou moins. Ouais, en fait, on s'est fait un délire où, en gros, un peu comme le sketch des Inconnus avec Philou Tchelli, etc. Bien sûr. On est venu en mode dirigeant avec nos cravates, etc. Et c'était très drôle. Mais en fait, j'ai remarqué un truc, quand tu te déplaces en cravate et en long manteau, on te respecte. Non, mais c'est vrai, c'est un truc que j'ai remarqué. Tu m'as quand même dit que sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes avaient dit, putain. Ridicule, JB. Ouais. Il n'a pas du tout compris le second. Non, degré. Ouais, non, il y a quelques-uns. En fait, ça a fait marrer beaucoup de gens, mais il y a quelques-uns qui étaient là, genre, ouais, vous mettez des cravates et vous perdez 8-0. Oui, bon, bah, excuse-moi. Voilà. Et non, et en fait, il y avait un délégué de la Fédération Française de Football qui est venu nous voir avec mon papa Mehdi. Il dit, oui, on s'est rencontrés pour le match contre Chambly. Comment allez-vous? Et tu vois, comme quoi, tu sais, t'en imposes un petit peu. Mais c'était vrai ou pas? Hein, vous étiez rencontrés vraiment? Non, c'était pas rencontré, ah, mais d'accord. Du coup, on en a joué. On a fait, mais oui, bien sûr. Ah oui, ah, oui, ok. Et après, il nous a eu plein de privilèges pendant le match et c'était assez cool. Ah, donc voilà, donc ouais, 8-0. Bon. Tu veux toujours le maillot, Adrien, malgré lui? Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est le maillot de la loose maintenant. Ah oui, mais moi, je veux. D'autant plus, on le veut. Attends, moi, la loose, je m'en repais. Adrien. Alors, attends, je vais juste faire un commentaire. C'est juste, JB, ça me fait penser quand tu parles du PSG. C'est que j'avais chez moi pendant, je pense, ça se compte en années, un cadeau pour toi qui était un pins du PSG, mais genre de l'époque, enfin, forcément rétro, tu vois, un vieux. Alors, tu le veux. Sauf que, comme on se voit jamais. Tu l'as donné à quelqu'un d'autre? Je l'ai donné à quelqu'un d'autre, je l'ai donné à Mehdi Maizi. Ah bah sympa. En me disant, bon, il aime le PSG et tout. J'ai vu dans son regard qu'il en avait rien à foutre. quand je lui ai donné, c'était trop tard. Il a dit, parce que je lui ai donné, il a dit, oh mais ça aurait été parfait pour JB ça. Donc déjà, quand tu donnes un cadeau à quelqu'un et qu'il te dit, ça aurait été parfait pour quelqu'un d'autre, tu dis, bon bah tu t'en branles de mon cadeau. Malheureusement. Et du coup, je lui ai dit, bah. Il était pour JB à la base et tout. Donc voilà. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est censé les... faire plaisir cette histoire? En gros, c'est disant pour dire démerdez-vous, va voir Mehdi. Non, mais c'est aussi pour dire, comme tous les cadeaux que j'ai fait à Mehdi Maizi, j'ai senti qu'il en avait rien à foutre. et tu sais, Flo, à quel point ça me blesse, parce que moi, je m'enorgueillis d'être fort en cadeau. Mais tu es fort en cadeau. Je suis fort en cadeau, mais moi, à chaque fois. Moi, je t'aurais littéralement sucé la bite en fait. Voilà. Voilà. Donc t'as raté un truc. Tu as ce qu'on appelle une kryptonite. Et elle anime le code. C'est ça. Et Mehdi, je lui ai offert 3-4 cadeaux dans ma vie. À chaque fois, il a fait ah, cool, mec. Et il s'en foutait, ça se voyait. Mais Reebok lui envoie des pompes, il en a rien à branler. Mais bien sûr, il mais. Tout ah, bon, bref. Mais du coup. Il a des AirPods gratos, le man. Je regrette. Et Mehdi, si effectivement. Mehdi, si tu nous écoutes et qu'effectivement tu t'en branles ou que t'es pas si attaché à ce pins, je t'autorise évidemment à le donner à JB. D'ailleurs, histoire similaire avec un gars que vous connaissez, parce qu'à l'époque de MySpace. Orelsan. Non mais je draguais une meuf sur MySpace et je lui disais que le film que j'avais le plus vu quand j'étais petit c'était les Goonies, et elle me disait bah attends c'est fou, j'ai un gobelet d'époque américain McDo des Goonies etc, si tu veux je te le file, un truc qui vaut une fortune aujourd'hui sur eBay. Et je disais bah génial, quand on se verra tu me le fileras et tout. Se passe une ou deux semaines et deux semaines après elle me fait ah bah finalement il y a Tiki Latex qui m'a chiné sur MySpace et je lui ai filé. Oh putain. Eh bah relou. Et bah du coup il a, pour moi c'est le mien qu'il a je en fait. Ah, ouais, si tu veux. Bah, la prochaine fois. Bah, pour moi c'est le mien en fait. Bah lui dis pas que ça vaut de la thune du coup. Mais attends, je voulais revenir sur ce que tu disais parce que t'as fait 4 cadeaux à Mehdi et un cadeau à JB. Non, moi j'ai eu 0. 0 à JB. J'imagine pour moi il y a des trucs de prévu, non? Grave, ouais, c'est ça arrive lourd lourd. OK, cool. Bah tu me dis quoi? Ouais, t'inquiète, non mais y'a pas de soucis. Tu me tiens au jus ça, quoi, sur Insta? C'est chez moi, c'est chez moi. Ouais, okay, c'est vraiment entreposé et tout quoi. Faut le temps quoi. Après là t'habites pas loin, on pourrait peut-être. On est plusieurs et tout. Ok, c'est relou, ouais, c'est relou. Y'a d'autres choses à faire, j'imagine. Okay. Non, moi j'ai rien. Moi, ouais, tu pourrais dire en tout cas quoi. On a rien nous les gars derrière, on peut. Enfin. Et non, et du coup. Toi Adrien. En parlant de Mehdi Maizi. L'actu, y'a plein de choses là. Y'a pas plein de choses. Arrête. Mais en parlant de Mehdi Maizi. Je suis, donc je le dis maintenant, voilà, que je voulais le dire une fois que le premier épisode était sorti. Évidemment. Je suis auteur sur la nouvelle saison de Rap Jeu, présentée par Thomas Guigan, qui prend la suite de Mehdi. Voilà, le premier épisode. Il a un peu le sorti. Texte de son Jean-Luc Reichmann. Ça lui fera peut-être pas très plaisir, mais bon. Connaissant Thomas, ça lui plaira. Bon, voilà, il y a une question sur Gérard Jugnot dans le premier épisode. Bon, bah voilà. J'ai adoré tes stories que tu as fait là aujourd'hui. Des stories où je passe en revue les références dans le rap français des acteurs et actrices du Splendide. Oui, j'ai appris qu'il y avait même Balasco. Il y a Balasco et ouais. Il y a pas Martin Lamotte. Bon, ça c'est ni dominé. Ça le dit. Ah, je sais pas si j'ai cherché Martin Lamotte, mais c'est Dominique Lavanant, enfin voilà. Putain, c'est vrai que j'en ai oublié. Il y a une Ligue 2 du Splendide qu'on a. Ouais, Dominique Lavanant, à mon avis. J'y crois pas trop. Martin Lamotte, franchement, Alpha One, c'est possible. Hein. Je sais pas, on cherchera. Donc voilà, jusqu'à ce qu'on me vire, je suis auteur sur Rap Jeu, la nouvelle saison. Et puis, il y a enfin la saison 2 de Derby Girl qui est sortie. Qui est dispo partout. Qui est dispo, alors, en France, sur Slash. Ok. En Belgique, toujours sur RTL Play, voilà la plateforme. Ok. Arrêtez de me demander. Et dans tel pays, et dans tel pays, je bosse pas la com non plus de la série. J'en sais rien. Je connais pas les plateformes. Donc, si c'est pas disponible dans votre pays, il y a peut-être un moyen promu par des youtubeurs pour avoir les programmes si vous n'êtes pas dans le pays en question. Donc voilà, et puis j'ai regardé le premier épisode, franchement, bah, je suis marrant dedans. Voilà, je vous, vous le dis, parce qu'on dit tout le temps, oh, tu te dénigres tout le temps, bah là, je suis marrant. Voilà. Et puis c'est tout, je crois. Enfin, il y a Visitors qui sort en mai, mais très ça, je vais arrêter de promouvoir mille fois. Mille mois à l'avance. Oui, on aura l'occasion d'en parler. Donc voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien, très bien. T'étais en vadrouille pour les The Visitors, non ? T'étais quelque part ? Pour Visitors, j'étais à Cerimania. À Cerimania, oui, ça. Et voilà, bon, c'était de la promo, c'était pas. Eh bien, quant à moi, toujours le spectacle de Baptiste Le Caplain, oui. Absolument en tournée. Je suis Jacques Chirac, le 15 avril à Anjou, le 12 mai à Plougastel, le 14 mai à Saint-Martin-Boulogne, Saint-Brieuc, Nantes, Rennes, Zénith de Caen en novembre et puis après surtout en octobre. Paris, au théâtre de la Renaissance vers Strasbourg-Saint-Denis, très beau théâtre. Moins aurait, bien que l'Olympia, un comedy club, Baptiste Le Caplain. Et là. Si, alors tu vois, il a ouvert le joke. Mais tu me tends une perche que je saisis. Le joke à comedy club, effectivement, ils ont ouvert jeudi, cette je crois, semaine, ouais, cette ouais. semaine. Et c'est un super endroit. Et peut-être, il est possible qu'avec, voilà, en tout cas, ça nous a été proposé avec Adrien. Non pas qu'on fasse forcément des floodcasts là-bas, mais voilà, qu'on réfléchisse à des petits trucs parce que c'est vraiment des gens adorables chez The Joke. Ah plus, oui, d'accord. C'est okay. avec, c'est avec Baptiste et tout, donc c'est la maison, c'est la famille. Ouais, j'ai envie de dire. J'ai l'impression. Et c'est super joli. Non, alors pour le coup, vraiment, moi, j'ai zéro bille là-dedans, donc j'en ai rien à foutre de faire de la promo, mais c'est très très beau. En fait, c'est un comedy club qui est vraiment pensé par les gens qui font du comedy club, donc déjà. Bah, y a une très jolie scène, il y a un peu de place sur la scène et le truc que j'adore pour avoir fait pas mal de comedy club, c'est la qualité avant la quantité, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des bonnes assises parce que les comedy club des fois t'es un peu à la merde, t'as un peu mal au cul et machin. Là vraiment t'as des bons sièges, l'ambiance est tamisée, le pâté vraiment Beaugrenelle, en gros. C'est le pâté Beaugrenelle du comedy club, voilà exactement. Très bien, très bien. Non non vraiment c'est un super comedy club et je vous invite à regarder, il y a souvent des line-up trop stylés, donc ça à rue Quincampoix dans le centre de Paris à côté de Pompidou, voilà tout simplement. Et voilà, bah écoutez merci tout le monde, passez ouais. Une très bonne journée et puis à très bientôt. Au revoir tout le monde, ciao. Bye. Il s'agissait du Floodcast. Pardon. Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/audio. Rendez-vous sur shopify.fr/audio pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.